J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui! Bonjour! Bonjour et bienvenue! Dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Scatman. Nouvel épisode de Floodcast. Après une petite pause, voilà. Mais en même temps, il y a eu tellement d'épisodes entre janvier et mars là. Les gilets jaunes qui nous félicitent pas la tâche. J'ai bien dit ce mot. Félicite. Mais comme à l'accoutumée, je suis avec quatre invités. On dirait qu'on est bourré. Nous sommes avec quatre invités. Je commence avec Audrey Pirot. Je suis Claire Chazal. Alors Audrey Pirot qui est arrivée avec son animal de compagnie, qui se prendra sûrement quelques petits ta gueule au cours de l'émission. Mais rien de plus. Audrey Pirot, elle se formalise pas. Audrey Pirot, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors bonjour, je m'appelle Audrey Pirot. Bien sûr. Bien déjà. Et ouais. Voilà. C'est top, et déjà. Puis le reste, bonne chance à vous. Déjà, la dernière fois que tu es venue, tu ne savais pas quoi dire, alors que tu peux dire que tu es comédienne. Ah oui, je suis comédienne. Scénariste, on te voit sur des vidéos sur Internet. Sur Internet. Partout. Sur Internet, à la télévision française. Bien sûr. À la télévision, et oui. Sur et oui, C8. Bah, c'est d'Amelsila. Et bien oui, sûr, sur C8, entre Access. On en parlera. Bien sûr. Je l'ai vu. Et aussi TF1, Les Chamois. Avec François Berléand. Oh, oui, comment ça va se passer? On est quand même pas là pour enfiler des perles, quoi. Non, on ne verra pas de tartines dans cette émission. Donc, permettez-moi de vous le dire. Nous sommes également avec Justine Le Potier. Tu t'égorges, ta gueule. C'est les applaudissements. C'est tout con. Il y a vraiment deux trois trucs. Et les applaudissements. Ta gueule, tu la fermes. N'empêche, quand on dit ta gueule à un chien, c'est le c'est mot okay. approprié. Exactement. Oui, c'est de mettre ta bouche à un voilà. humain. Justine, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Mais oui, bien sûr, mon bon Flaubert. Alors, je m'appelle Justine Le Potier. Je suis née à Saint-Malo. Et voilà, en Bretagne. Ah, la ville et de la. Ça sent les embruns par ici. Ça sent les Allez, je te laisse continuer. Et à l'instar, donc. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'on est ivre-caisse, alors que pas. On est ivre ça. D'amitié, et on boit du Liptonic. On a vraiment mangé beaucoup de sucre avant. On et a on mélangé. Il y a eu 16 plats différents. Il y a eu un mélange de KFC, de pizza, de libanais, c'était n'importe quoi. Et du coup, eh bien également, j'officie sur les réseaux internetants. Mais pas seulement. Et pas seulement. On peut te voir à la téloche. Non, on peut me voir à la télé. Avec les deux vieux. Avec les deux petits vieux. Les deux petits vieux de scène de ménage. Exactement. On les connaît. Mais je les aime beaucoup. Attention. Bien sûr. Non, avec le respect. Puis, pardon, attends. Mais à la Nicki Larson. Mais oui. Oh, bien sûr, elle Exactement. Joue Nicki Larson. Oui. Je fais Nicki ouais. Larson. C'est combien d'entrées au final? 1,5 million, je sais. Allez, pas dégueu. Pas du coup, ce qui fait que t'as 1,5 million dans la poche. Exactement. Ben, voilà. Il connaît si bien le cinéma. Nous sommes également avec Mektoub Gaël. Je sais jamais lesquels on dit. On dit tout. Non, c'est pas grave. Gaël Mektoub. Oui. Il a sauté, il a bondi du canapé. Il m'a sauté la gorge. Moi, je trouve que c'est un bon gag, oui. Cela dit. Elle m'a sauté la gorge. Oui, on va rire. Assez lassant, mais bien. C'est le principe du rugby, quoi. Gaël, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Bonsoir, je m'appelle Gaël Mektoub. Tu es né à Nice. Je suis né à Nice en 79, le 20 septembre exactement. Oh, ce qui fait que j'approche gentiment sur mes 40 ans en septembre. Oui, je vais faire une énorme... C'est génial. On va faire une énorme fête. Tout le monde est invité. T'as une petite voix de velours, je crois d'ailleurs. Oui, je sais pas pourquoi je parle comme bah, ça. Elle est bien, je l'adore. Ouais, mais tu l'adores? Je l'adore. Il y a beaucoup de consonnes qui vont se faire la malle un peu. DJ l'adore. Ouais. Le Liptonic fait son petit effet. Et comédien. Comédien. Musicien. Musicien, scénariste. J'ai arrêté ma carrière en septembre dernier. De quoi? De tout. De tout. absolument rien. D'accord, très bien. Septembre. Très bien. Et ça me plaît, je suis très heureux. D'accord, oui, très bien. Les femmes autour de cette table ont une carrière bien plus fleurie que les hommes. Ouais, comme on est la fleurie. Exact. C'est vrai. Allez. Nous sommes également avec le célèbre. La dernière fois, il n'avait pas de micro, donc il avait. C'est comme s'il n'avait pas d'arme. J'ai final. Fait une blague. Une blague. Au total. Voilà. Deux, parce qu'il faut savoir que Maurice a repris une blague à c'est toi à l'antenne. La première blague de Boris Pataimi, c'est une blague que j'ai fait juste avant en antenne. Mais il y a un copy-comic qui sort dans pas très longtemps. C'est moi qui ai envoyé là. Nous sommes avec, prépare-toi Mila, Adrien Méniel. Allez. Oh non. Ah. Je me disais, j'aurais bien aimé qu'elle aboie pas pour moi, mais ça n'est pas le cas. Ferme ta gueule. Adrien. Moi non, il parlait au petit chien. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, Adrien Méniel, j'ai pas d'idée. Je dis une bêtise si à chaque fois. Je suis dresseur canin. Basketteur. Et basketteur canin. C'est moi qui ai écrit Air Bud. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et tous les Air Bud? Tous. Les 17? Tous. Oh, j'étais script doctor à partir du 12. J'étais script doctor. Très très bien. T'es arrivé de touche à foin parce que t'as des petits problèmes dentaires, t'as des petits. J'ai mal aux dents. Enfin, j'ai mal à la joue, quoi. J'ai la joue un peu enflée et tout depuis quelques temps, et je pensais que c'était un aft parce que ça m'arrive d'en avoir, et je pense que c'est une dent de sagesse qui fait des siennes. Aïe. Que je vais devoir faire arracher. Très sympa. Voilà. Écoutez, ça se voit pas, hein. Mais au moins, c'est pas très gonflé fait. Là. Hein. Puis t'es plutôt de bonne humeur en vrai. Non, tu dis que je suis sous anti-inflammatoire, je suis bien. Ah. On t'a connu plus bougon. Oui. Ça peut arriver très vite. On t'a même connu djihadiste d'ailleurs. T'étais particulièrement bougon. J'ai préféré vraiment pour rien de ça sous le tapis. C'est pas une blague raciste, hein. C'est une expression. Les amis, merci. Et toi? Bah moi je suis Florent Bernard, écoutez. Attends, on l'applaudit. Mila. Au bout de temps d'émission, je suis toujours invité. Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Eh ben, je suis scénariste, de temps en temps metteur en scène, un peu plus rarement ces derniers temps. Beau mec aussi. T'es beau mec. Comédien. Réalisateur. Podcasteur. Un peu podcasteur. YouTubeur. Je suis une sorte de YouTubeur. Mais qu'est-ce que tu n'es pas en fait? Gamer. Bon baiser. je me démerde après, voilà. Nous avons ça a mis un petit froid. C'est, ouais. Non, on m'a pas suivi sur ce coup-là. Ma méchanceté, je l'ai payé le prix fort. Je regrette. Les amis, j'inaugure une petite rubrique que j'ai envie de tester avec vous, qui sera peut-être la seule, la dernière. Elle est volée sur mon podcast qui n'existe pas encore. Alors ça c'est fou. En gros, c'est plagié pour moi. Alors, j'ai partagé l'idée de la rubrique avec Adrien. Il m'a dit: Bougre d'âne, je voudrais en faire une émission. Mais il ne me l'avait pas dit, il me l'avait caché parce qu'il sait qu'il peut pas me faire confiance. Pas sûr. Il a dit plutôt sale bâtard. C'était l'équivalent de bougre d'âne. J'ai dit Bartaras, espèce de vieille salope. J'ai dit. D'accord. Enculé de fils de pute. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que moi, j'avais déjà plagié cette idée sur les grosses têtes. Donc, du coup, je me dis peut-être. Ouais, les grosses têtes font ça aussi. Ah, bah voilà. Voilà. Nous allons faire des accents. Non, pas du tout. Nous allons lire des petites news insolites de l'actualité. Et je vous prierai. Alors, gueule, il y a regarde l'ordi. Je crois que je vais le faire. On peut. C'est quoi ce modèle? Tout sera vrai. Du coup, il y a peu d'enjeux. Du coup, il y a pas beaucoup d'enjeux. Non, je vous demande juste de réagir tout doucement. Okay. Je vais vous lire par exemple une histoire qui s'est passée en Suisse. Puisque là-bas, il y a une expérience qui a été menée pendant plusieurs mois par la Haute École des Arts de Berne dans une cave d'affinage de Berthoud. Donc, s'il y a des Suisses qui m'écoutent, Berthoud, sûrement. Moi, disons Berlin. Les responsables de l'étude ont laissé plusieurs meules d'emmental s'affiner pendant 6 mois et demi dans des boîtes équipées d'une enceinte, leur diffusant de la musique en continu. Et selon les deux enquêtes, l'une scientifique, l'autre avec un jury d'experts culinaires, les deux sont arrivés à la conclusion qu'il y a des différences de goût et de parfum selon la musique avec laquelle le fromage a été affiné. Seul. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est dû du fake news? Audrey, alors là, il croit à fond. Elle est là. Tu crois, toi? Ah bah attendez, en fait, tout n'est question de vibration. Donc, fatalement, d'accord, de vibration à vibration. Si je ne te vibre pas de la même manière, tu ne vas pas. Là, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est vibration au sens. Cosmique. Littéral. Non, mais justement, c'est scientifique, quoi. Quand ça pousse les ondes de la radio. Un peu, donc. Non, mais ça fait vibrer. Ça dépend de la qualité son. De l'enceinte, finalement. Mais pas du tout. Est-ce qu'on était sur le volume? Si, complètement. Ça dépend le volume de l'enceinte. Ça dépend aussi le volume. Un système Bose à 15 000 exactement. Dollars, là forcément le fromage va être. Non, mais, c'est, mais ce qui est cool, c'est que. Génial. Tu peux acheter genre de l'emmental VG Dream. Tu peux dire, moi je veux le VG Dream, c'est mon préféré. Mais alors justement, d'ailleurs, il y a des gens. Les gens ont changé un petit peu, autant vous dire, quoi fait quoi. Je veux dire, un accident en bout de table là-bas. Audrey, qu'est-ce qui s'est passé, Audrey? Il y a eu un drame. C'est les ondes, ça. Elle a pété son collier. T'as pété ton collier? Elle a pété son collier. Péteuse. Moi je vais rentrer chez moi, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Ah non, c'est bon. C'est bon, tout le monde peut aller. Hurle-moi. c'est réparé. C'est ok, ça va être réparé. Le chien était à deux doigts de se défenestrer. C'est extrêmement donc, simple. Comme je le disais, de s'égorger avec sa griffe. Il y a différents groupes, les groupes de fromage qui écoutaient du hip-hop par exemple et de la fréquence basse étaient vraiment sur des notes beaucoup plus douces, beaucoup plus florales. Donc vous saurez que de l'emmental avec un peu de NTM, c'est plus floral par exemple. Et si on leur met des films. Qui regardent des films, ça risque d'avoir un goût différent aussi, parce que c'est peut-être. Aussi du une son, de l'image. Ouais. Mais du coup, ils devraient leur faire écouter une histoire. Ils devraient leur faire écouter. Exactement, c'est comme si on allait les câliner, oui. Les toucher, je sais pas quoi. Ils devraient leur faire écouter du tal, et c'est de l'emmental. Oh, excellent, c'est excellent. Mais d'ailleurs, il faut, oui, il y a aussi une autre étude faite par des Suisses où ils baissent du fromage. Et selon où tu mets le doigt, ça change le goût. Ça peut altérer le goût. Bizarrement, un goût de sperme. La bite de Houellebecq donne un goût très très fumé à l'emmental. J'allais dire, la bite de Houellebecq ne change pas le goût. Pour le coup. Autre petite news. Est-ce qu'il nous écoute? Houellebecq, c'est un grand fan de l'émission. Mais je crois, attention. Mais il ne s'en rappelle pas le lendemain car il est ivre mort. Et islamophobe. Alors. Sachez que récemment, c'était dans le 12e arrondissement de la ville de Paris. Non, Seigneur Dieu. Il y a un restaurant qui a fermé. Et il proposait aux clients quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que vous savez quoi? De boire des bouteilles à sperme. Vous pouvez deviner assez facilement. Il n'a pas été ouvert très longtemps. Il est ouvert en novembre 2017. Il est fermé en février 2019. C'est un type de nourriture ou c'est un type de prestation? C'est un type de prestation. Une branlade. Manger tout nu. Mettre des patates. Non, c'est manger tout nu, Gaël. Oh, c'est ça, très bien joué. Très bien joué. Là. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai ouvert le restaurant. Gros fail. Il s'agissait de Eau Naturelle, ça s'appelait. Seul restaurant de la capitale où l'on pouvait se dénuder avant de passer à table. Ça avait été créé par deux frères jugeaux, Mike et Stéphane. Qui étaient nus. Voilà, également. Et qui se branlaient. Et qui sont maintenant. Ouais, chacun branlait l'autre. C'est génial que quelqu'un qui arrive dans le resto sans savoir le concept doit être très mal à l'aise. Salut. Parce que t'as bien dit, on peut se dénuder. Donc c'est pas obligé. C'est qu'il y en a d'autres qui sont habillés, qui sont genre. Cahier, tu dois avoir hyper froid. Et tu t'assois, tu mets tes fesses. Sur un endroit sur lequel d'autres fesses sont déjà posées. Non, les gens qui font du naturisme, je pense, ont des trucs hygiéniques qui nous dépassent, mais où ils font attention à ce genre de choses. Bah, je pense qu'ils mettent, à la manière de quand tu vas au restaurant, ils ne laissent pas les miettes sur la table, tu vois. Bien ils passent, sûr, je pense que c'est pareil avec les chaises. La chaise. Avec le petit peigne, ils font pareil avec les poils de cul sur la chaise. Peut-être qu'il y a des protections sur les sièges. Et très bien, on peut tout imaginer pour c'est peut-être des sièges gonflables. Très bien étudié. En tout cas, on peut dire que c'est un business pas très porteur. Bah c'est ça, c'est ce qu'ils disent en gros, parce que le restaurant a fermé non pas pour des raisons de atteinte à la pudeur ou des gens qui se sont plaints, c'est tout simplement pour des raisons économiques. Personne ne veut aller. C'est vraiment ça. Et là, je vous dis, ils n'ont pas réussi à fidéliser une clientèle suffisante pour que le restaurant soit viable. Il faut savoir qu'il y a pas beaucoup de trucs naturistes en France, à Paris en tout cas. Au naturel, ils comptaient 40 places et n'ouvraient que le soir. Et leur business plan, ils misaient sur une activité moyenne de 30 couverts par jour. Ils avaient été un peu gourmands. Et donc, du coup, non, le restaurant a fermé. Bah, en tout cas, les clients, ils n'étaient pas couverts. J'allais faire la même blague. Oui, yes. Qu'est-ce qu'on rit. J'ai un peu bandé, tellement c'était cool. En tout cas, le président de l'association l'ANP, alors j'ai cherché sur internet et j'ai juste trouvé Armée Nationale Patriote, donc c'était pas ça. Mais Cédric Amato, il s'intitule. Il avait parlé de naturiste sur Combini. Voilà, si vous voulez revoir son visage. Et lui, il expliquait que par exemple, c'est très difficile de faire du business sur le naturisme, que c'est plus une façon de vivre et que c'est difficile d'avoir un business plan sur ce genre Sinon, de pratique. Sinon, c'est du porno ou quoi. Non, rien à voir, mais en tout cas, le truc c'est que. Non, mais si tu veux faire des thunes. Oui, allez, voilà. Voilà, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, il disait que. Là, les naturistes qui entendraient ça hurleraient. Mais je pense pas au porno. C'est pas, parce pareil, c'est pas parce que tu es nu que tu baisses forcément. Ouais, alors à ce moment-là, on est sur un terrain très glissant. Attention. Un peu comme les sièges qui sont pas lavés. Hein, non, ouais. Mais oui. Non. Bah, je tiens à m'excuser auprès de la communauté naturiste. Voilà, s'il te plaît. Pour mes propos qui relèvent de l'ignorance. Problématique. Après, je pense qu'il y en a qui baisent quand même. Peut-être oui, c'est il y en a qui baisent. Au Cap d'Agde, ils baisent. Celui-là, sur la plage, ils baisent. Baiseurs. Vraiment. Le sable sous le prépuce. Allez, directement. celui-là, je vais pas vous le teaser avec l'histoire, je vais juste vous dire le titre. Il pense avoir un rhume, mais les médecins trouvent qu'il a une dent qui a poussé dans le nez. Ah putain, j'ai vu passer, mais j'ai pas lu l'article. Mais c'est peut-être ce que t'as vu passer. C'est peut-être ce que j'ai. C'est ça. Pas, hein. Écoutez, là, c'est arrivé à un nez. Blanc, en fait, c'est toi, c'est pas une dent, c'est un nez. J'ai qui un pousse. Nez entre les dents. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça va se passer? Bah, bien. Ah, bah, alors, il paraît que les dents peuvent pousser n'importe où. Alors, c'est apparemment. N'importe où. Dans un cul, dans un cul, par exemple. C'est pour ça que le haut naturel a fermé d'ailleurs. Non, c'est une dent de 13 mm de long pour 6 mm de large qui se trouve au niveau du plancher de sa cavité nasale, au-dessus de son palais. Et était recouverte de mucus nasal. Horrible. C'est l'apparition de cette dent mal positionnée. C'est la mort, on est d'accord, le mucus nasal, oui. Qui aurait créé des symptômes. Pour que ceci disparaisse, il suffisait de retirer cette dent, tout bonnement. Il est très probable que notre patient ait eu cette dent intranasale pendant la plus grande partie de sa vie, mais que les symptômes ne soient apparus que tardivement. Putain. Le cas de ce Danois rappelle un autre constaté en 2014 chez un Saoudien de 22 ans. Sa dent intranasale le faisait régulièrement saigner du nez. Alors, il y a des photos que je vous conseille de regarder. J'ai regardé ton ordi une seconde, j'ai regardé, je ne regarde plus jamais. C'est fini. Horrible. Une autre news qui n'a rien à voir. Denis. Ça, c'est un quinquagénaire qui vit dans le... Ah, j'ai plus l'adresse. Lot-et-Garonne. Inventons. Il a été retrouvé hypnotisé chez lui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il a regardé Mesmer à la télé. Ouais, exactement. Oh. Et il est resté bloqué. Nous sommes le 21 mai 2016. Denis, 54 ans, profite de sa soirée libre pour se reposer devant la télévision avec son épouse. Sa soirée libre, c'est affreux déjà. Horrible déjà, oui. Il en avait qu'une. Au programme ce jour-là sur TF1, c'était Star sous hypnose. Le couple décide de regarder l'émission présentée par Arthur et l'artiste Mesmer. Ah, il est coiffeur aussi ou... Non, ça c'est... Ah, je comprends avec Zach. Sauf que la soirée tranquille devant la télévision a pris une drôle de tournure pour cet entrepreneur des Landes. Pas de Indien des Landes. Je suis resté bloqué. J'étais devenu un homme de pierre, raconte-t-il à Télépoche. Un homme de pierre. Ouais. Il est en Télépoche en plus. Qui... Et okay. On les connaît, c'est que c'est vérifié. C'est, si sérieux, c'est, vérifié. Ouais. C'est sourcé, c'est tout. Le Watergate, ah, ouais. C'était eux. Hein. Alors qu'il regardait Daniel Evenou ou encore Cartman se faire hypnotiser par Mesmer, l'homme s'est retrouvé à son tour hypnotisé derrière son poste. Je ne pouvais pas parler. Je suis resté comme ça une heure et demie. Ce qui est bizarre parce que Mesmer après il fait allez t'es réveillé. Ça ouais, plus alors, que là, si je peux me permettre, ça m'est pas arrivé comme ça lui est arrivé. Allez. Mais je vous jure, la vie de ma mère, si je mens, ma mère meurt. Okay. Faut dire, c'est une vraie promesse. J'ai regardé un truc où il y avait, je sais plus lequel c'était, et j'ai commencé quand Cartman. Tu dis, je sais pas, vos paupières sont lourdes, etc. J'ai commencé à faire la même chose et j'ai eu super peur que je reste bloquée. Et donc, du coup, j'ai tout éteint et je suis partie faire de ma vie en Andalousie pendant deux ans. Mais je vous jure, ça m'est un peu arrivé. Ouais. D'accord, j'ai une petite anecdote. Oh, je t'en supplie. Oh, dis donc. J'ai une amie proche qui est allée voir un spectacle d'hypnose. Je sais plus où, Grand Rex, machin. Sûrement lui. Je sais plus combien, 2000 personnes en train de se faire hypnotiser. Et en fait, ça marche. Elle m'a dit j'étais à fond dedans et tout. Je me sentais bien, j'étais un peu parti, j'étais un peu perché, je savais pas trop. Elle se rappelle juste qu'elle a vraiment passé un super moment, quoi. Mais à la fin du spectacle, il y a des gens qui restaient bloqués. Ah, et d'accord. En fait, ah. Il y avait des assistants à Mesmer ou je sais, n'importe quel hypnotiseur qui vont dans la salle. Il y a des gens qui restent qui leur filent des chèques. Non, mais vraiment. Et qui les aident à revenir vraiment. Et ça fait partie du service après-vente du truc. Et elle faisait partie des 27 personnes dans la salle qui étaient encore oula, qui comprenaient pas ce qui se passait. Quoi. Ouais, mais j'ai une pote non, qui a vraiment, fait. Vraiment, ça reste bloqué. Tu peux rester bloqué. Ouais. J'ai une pote qui a fait Mesmer qui a dit quand même c'est ça te fait un espèce d'effet où t'es un peu en stress hein, quand même. Tu dis ah, ok, je contrôle vraiment pas mon corps. Et c'est l'équivalent d'un rêve. Souvent, les gens qui sont hypnotisés disent qu'ils sont comme dans un. Tu vois, ils comprennent ce qui se passe, mais. Qui s'est fait hypnotiser. Moi, je suis allée le voir. Hein. Moi, je suis allée le voir en spectacle. Toi. Ouais. Et il est fort parce que il commence en te disant. Déjà, il a un super accent. Déjà. Non, c'est vrai, c'est chantant. Il commence à te faire un truc avec les. Tu dois joindre tes mains et là, il te dit que tes capacités d'hypnose augmentent de minute en minute, d'heure en heure, de seconde en seconde, etc. Moi, ça marche pas. Si vous écoutez, il y a peut-être des gens qui sont en train de se faire hypnotiser. Donc faites attention, écoutez pas trop Audrey. Qui vont rester bloqués. Vraiment, c'est fini. Après, du coup, il y a une première salve de gens qui y vont. Après, il recommence, tu dois mettre les mains au-dessus de ta tête. Là, pareil, ça marche pas. Et. Bon, c'est Club Med, quoi. Ouais, non, mais si, il y a un peu de ça. Et après, il a besoin des gens pour faire son spectacle, bien en fait. Sûr. Sauf que l'entrée est à 65 balles. C'est ça la différence. Voilà. Et bah, c'est moins cher que le Club Med. Et une fois qu'ils ont les bras en l'air, il leur fait les poches. Donc, pas sympa. On a pas compris sympa, ton bise. Et après, avant de partir, il dit on va réessayer une dernière fois pour les personnes pour qui ça n'a pas marché. Et là encore, il te répète que ta capacité d'hypnose augmente de minute en minute, d'heure en heure, de seconde en seconde. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai eu. Il a dit je compte jusqu'à 3 et vous allez. Genre. Être dormir quoi ouais. Et là j'ai senti complètement que j'ai basculé en avant et genre je suis partie complètement et effectivement il y a une notion un peu de rêve mais bizarre et du coup dans ma tête qui est un peu tombée en avant j'ai ri Ce qui a fait que j'ai fait, ça a fait genre, ça tombe en avant, rire hystérique, je me suis retrouvée à mon siège, trois retombées, mais re-rire hystérique. D'accord, bah tu viens d'expliquer ce qui arrive à Isabelle Adjani depuis 20 ans. Voilà, c'est ça. Elle fréquente elle a mesmer. Mesmer en oreillette. C'est ça, exactement. Bah là, il a eu la peur de sa vie, c'est ce qu'il raconte Denis, et ce qu'il a sauvé, ce ne sont pas les secours qui ont cru un canular. Oh. Ils ne sont pas arrivés tout de suite, mais c'est sa femme. Faut dire que c'est le sosie de Grégory Guillotin, cette personne. Qui <C'est ça. rire> et qu'il les a appelés en Skype, puisqu'il est très étrange. Non, c'est son épouse qui lui a permis de revenir à lui. Elle s'est souvenue que Mesmer fait des décomptes à 3 dans ses hypnoses. Et elle l'a sucé. C'est pas le seul. Oui, elle l'a sucé. Ce qui était malin. Et en fait, du coup, ça l'a réveillé. Mais le calvaire du quinquagénaire. Hein. Attendez, c'est pas fini. Elle a profité, Christine. Le calvaire du quinquagénaire ne s'est pas arrêté à la seule soirée du 21 mai. L'homme qui s'auto-hypnotise régulièrement a notamment consulté un neurologue qui lui expliquait qu'il était comme dans un état chamanique cause de cette hypnose involontaire. Les conséquences ont été fâcheuses pour Denis. Je suis resté 6 mois. Pardon. C'est je quoi ce neurologue? 6 mois. Attends, c'est pas. Le neurologue qui dit c'est chamanique. Bah, c'est non, votre non, diagnostic. Non. Je pense que vous êtes un chaman. Non. J'ai fait une radio de votre cerveau. Vous êtes un chaman. Merci. Je vous paye ou non? Puis je vous laisse. Qu'après j'ai un samouraï. J'ai un mec qui est samouraï derrière. Non, mais je pense que c'est Denis qui disait ça à son docteur. Donc les conséquences étaient fâcheuses pour Denis qui est resté 6 mois avec des difficultés d'orthographe. Je pense qu'il a un peu excusé, genre ouais, oui. J'ai du mal à ouais. Et j'ai perdu 1000 balles aussi. Je sais pas si ça. Ouais, je me suis acheté la PS4 sans faire exprès. Je ne me souviens pas du prénom de certains amis. Je confondais le chaud et le froid. Là c'est vraiment. Ça c'est chiant. Il ouais. Y a un petit pet au casque. Là c'est genre un dyslexique pour l'instant. Là, bah écoute, aujourd'hui j'ai toujours des problèmes de mémoire, confie-t-il. En tout cas, pendant un bref moment, Denis a pu échanger avec Arthur, qui a voulu s'assurer que l'homme se portait bien. Sympa, Arthur. Il était pas obligé. Et il l'a fait. C'est quand même très, très sympa de sa part. D'ailleurs, il est très sympa, au demeurant. Attends, Denis l'a dit, il a été très bien. Il m'a appelé pour savoir comment j'allais. Il voulait même que j'aille sur le plateau. Bah, bien sûr, oui, ok, allez, d'accord. Hein, allez, on retire, c'est pas si sympa. N'ayant plus de nouvelles, il s'est sans doute assuré que je n'allais pas lui coller un procès. Mais Mesmer s'est expliqué, lui de son côté. Ne ment pas aux gens. Il y a eu un petit bug, mais les gens s'en rendaient pas compte. C'est vraiment dommage que tu fasses ça. Cette émission n'est pas en direct. Je le dis, car on ne ment pas aux gens qui nous écoutent. En tout cas, Mesmer de son côté, parce qu'on peut quand même vite passer aux choses. Non, mais c'est remonté. Hein. Non, parce que Florent s'est levé, il a changé de disque dur, on a discuté. Vous dites comme si il s'était passé 2 heures, j'ai été extrêmement réactif. Je voulais quand même que vous le disiez aux auditeurs. Très rapide, moins d'une minute. Scoozy first. 6 heures. En tout cas, l'hypnotiseur Mesmer a confié qu'il était déjà parvenu à hypnotiser une personne par message. Par message, je pense, interposé. Vocal. Oui, voilà, un message vocal, je pense. Oui, par téléphone. Par texto, ça, c'est de la, c'est de la connerie. Crois pas. Ouais. Il avait conclu en expliquant. L'hypnose, c'est de la connerie. Waouh! Il avait conclu. Excusez-moi. La violence. Ça, plus les médicaments, ça va mal se passer. Non, c'est pas. Il avait conclu en expliquant qu'il était inutile d'appeler les secours si l'un de ses proches se retrouvait hypnotisé à distance. Il faut simplement laisser la personne s'éveiller naturellement ou la réveiller comme on le ferait avec quelqu'un qui dort, qui rêve ou qui est somnambule. Il n'y a aucun danger à vivre avec l'hypnose, qui est une forme de sommeil naturel. Voilà. Ah ben on est tous rassurés. Et moi je chie un peu dans mon ben, là c'est vrai que ça va mieux. Ça va quand même beaucoup. Et je crois mieux. Que 15 minutes d'hypnose, c'est 4 heures de sommeil ou un truc comme ça. Ah ouais? Il paraît que t'es exténué à la fin. Ma pote qui avait fait Mesmer m'avait dit j'étais morte de fatigue à la 12 fin. 12 minutes de baise aussi, je crois. Ouais. Pardon rien, mais c'est impossible de baiser 12 minutes déjà. Ouais, sinon, genre, non, mais c'est pour ça qu'il faut se faire. Il faut pas le faire, c'est pour atteindre de telles durées. Ça brûle après quand on fait pipi. Ouais. En parlant de pipi. Voilà. Écoutez, il y a une enquête qui est sortie. Allons-y. Il y a une enquête qui est sortie le 15 mars qui explique que les pipis. Il y a donc 2 jours. Hein. Il y a 2 jours. Mais, pour les gens un petit peu plus. C'est tout chaud, ça vient de sortir comme le pipi. De la bite. Du sexe. Enfin, de l'urètre pour inclusif. C'est vrai, évidemment. Vos pipis nocturnes coûtent très cher à la société. Ça, c'est l'article du Point qui n'y va jamais de main morte avec les titres qui attaquent. C'est les écolos qui nous emmerdent encore. Non. On est prêts. Ouais, puis c'est le fait de se rendre aux toilettes au milieu de la nuit. Ça s'intitule d'ailleurs la nicturie, ce qui n'a rien à voir avec Nick Fury, oui, qui lui recrute les Avengers, donc ça n'a absolument rien à voir. Et qui ne pisse exclusivement le jour. Ouais, c'est ça. N'est pas un acte anodin ni neutre économiquement, relève une étude de Rand. Je ne sais pas ce qu'est Rand. Vous faites peut-être partie de ceux qui éprouvent régulièrement un besoin pressant d'aller aux toilettes durant la nuit. Bon, ils vont dire, on allume la lumière et on tire la chasse. Oui, jamais je pisse la nuit, moi. Jamais. Même si j'ai très envie. Ah ouais, tu pisses pas la nuit. J'attends le matin. Jamais la nuit. Ah, moi, chaque nuit, moi. Par conviction politique. Exactement. Par conviction religieuse. Ouais, d'accord. Chaque nuit, tu te lèves, tu vas pisser. Ouais. Mais quel enfer. T'as pas une bouteille à pipi? Non. Une gourde. Je pars en mode gourde pour l'urine. Audrey, pisse toi. Non, je fais pipi avant. Et puis après, bah, je dors. Moi aussi, pareil. Moi aussi, je fais pipi avant. Non, mais ça veut dire qu'en fait, nuit. Tu te réveilles. Et après, quand tu es réveillé, t'as envie de faire pipi. Non, tu es réveillé par mon envie de pisser. Mais quel enfer. Ah ouais, mais moi, j'ai une petite vessie, je pense. Ah non, petite vessie. Je pisse beaucoup. Il n'y a pas que la vessie. Et ta petite caquette aussi. Il y a mon estime de moi. Alors, continuons. Pourquoi c'est pas écolo de pisser? Parce que t'allumes la lumière, tu t'arraches. Tu vas manger. Ils doivent prendre des paplards. Ils doivent fondre des paplards. Dernier argument. Je vais vous dire déjà le prix que ça coûte. Dis-nous. Ah ben voilà. Selon les Américains. Moi c'est gratos. Et on les connaît, les Américains, ils sont carrés. Le carré. Oh, le coût serait de 44,4 milliards de dollars. Allez, c'est n'importe c'est quoi. C'est très cher hein, pour un pipi. Je vais faire gaffe du coup. Mais parce c'est que ça, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais vraiment pas. C'est quoi la différence entre un pipi de la nuit et un pipi alors, à 21h30? Je vais vous dire plusieurs. Alors, t'as déjà la lumière. Faut savoir ça. Déjà, bah, 21h30 aussi. La nycturie apparaît surtout chez les personnes âgées de plus de 60 ans qui sont alors réveillées en pleine nuit par ce besoin de uriner. Bon, allez. Mais qu'est-ce que ça va être? Plusieurs raisons sont pointées du doigt. Plusieurs raisons sont pointées du doigt par les spécialistes. Plus grande production d'urine la nuit, habitude de vie, problèmes cardiaques, rénaux, hépatiques ou veineux. Jean Reno. À partir de 2 levées par nuit, la nycturie est considérée comme une pathologie. Non, bah voilà, je te le dis. T'es malade, mon pote. Non, non, moi, c'est une deux fois. Deux fois, jamais. Fois. Jamais deux non, fois. Non, jamais. Mais si t'as beaucoup. Ta prostate, bu. Ça va? La deuxième, je pisse dans le lit directement. Je me lève plus. C'est bien. Cette étude de l'Institut de recherche souligne surtout qu'il ne s'agit pas que d'un problème sanitaire. Comment ce qui se passe dans l'intimité de votre salle de bain au milieu de la nuit peut-il avoir des conséquences économiques? C'est la question que vous vous posez. Exactement. Bah oui, le porte-monnaie. Hein. Bah il y a le maître Vergès avec la bosse qui va arriver dans 5 minutes. Les chercheurs ont utilisé un modèle macroéconomique et non pas Macron. Pour simuler l'impact si moins de personnes étaient touchées par la nycturie. Concrètement, ils considèrent que cela touche la productivité au travail, mais aussi l'absentéisme. Cela crée aussi des dépenses en termes de santé publique, selon des études menées dans d'autres pays. Cela coûterait 13 milliards au Japon, 8 milliards en Allemagne, 5,9 milliards au Royaume-Uni ou encore 3 milliards en Australie. Ils ont que ça à foutre. Oui, bon, non, c'est complètement fou. Ils ont que c'est ça c'est à foutre. C'est quelqu'un qui a juste envie de faire pipi. Est-ce qu'on pourrait prendre un peu de temps pour sauver les gens, pour arrêter la famine, tout ça? Non. Non, on va calculer le pipi du soir, comment ça va coûter par personne. On va faire une moyenne par pays. Non mais bordel. En plus, c'est genre, va te faire enculer. Tu mettras un bip. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en ai rien à foutre. Tu pisses, de toute façon, t'as envie de pisser. Et c'est peut-être parce que leurs journées sont nulles qu'ils ont envie de pisser la nuit. Ouais, mais en tout cas. Non. Et ceux qui chient la nuit alors? Est-ce qu'il y a une pathologie pour ceux qui chient deux fois dans la nuit? Alors comment ça s'appelle? Hors gastro, je veux dire, en dehors d'une gastro. Ça coûte 1 milliard d'euros. C'est pas si cher. En tout cas, pour ceux qui voudraient lutter contre la nycturie, qui encore une fois n'a rien à voir avec Samuel Jackson, je commence à douter. Je te jure que non. Certaines méthodes sont recommandées par les médecins. Surélever les jambes la nuit. Bon, moi je peux pas, j'ai des problèmes de circulation. Bah si, bah, justement c'est très bon de surélever. Bah non, pas du limiter. Tout. Ah, si. Bah pas du tout. Faire des incantations chez la nuit. Mais non, je sais. Moi si j'ai des jambes surélevées, voilà. J'ai des fourmis dans les jambes, j'ai plus de sang. Tu ne pisseras pas cette nuit. Merci Mesmer. Mais non, voilà, faut mettre les bisous d'hôpital là. Non, mais c'est la gravité en fait. Il faut mettre un verre d'eau. C'est plus compliqué. Bon, bref. Ah, une poche à pipi, tu veux non, dire? Non, mais tu sais, quand t'es à l'hôpital, oui, voilà. Et un que, pistolet et un pistolet, merci Adrien. Et voilà, l'affaire est jouée. J'ai un gun, moi. Vous pouvez aussi limiter les boissons après 18h, éviter le thé, le café ou encore l'alcool le soir. Ouais, bah autant. Oh, super. Hey, moi j'ai une idée, on se taille tous les veines. Ouais, c'est on ça. On se taille tous les veines, comme ça on ne pissera plus la nuit. On coûtera moins cher à Macron. Putain, ah, t'es énervé. Macron économie. Je déteste. On était au pipi, je passe directement au caca. Merci. Et je vais parler de l'actu. Connaissez-vous le cacatov? Non, non. Cacatov? C'est une contraction, c'est un petit mot valise. Alors attends, est-ce qu'on peut deviner ce que c'est? Bon, assez facilement, oui. Caca et tov. Comme le philosophe? Pas Beethoven, le film avec le chien, rien à voir. Cacatoven? Ouais. C'est Raphaël Enthoven? Non, rien à voir. Mais c'est pas la peine de faire de contraction, c'est déjà une merde! Alors. C'est des balles, tu dirais. Tov Cacatov Astia. Steve Estatov. Non. Tov. Je suis content qu'on ait dit Steve Estatov en 2019. Cacatov. Oh, je vais vous le dire. C'est russe? Je sais pas. C'est une arme. C'est une arme. Comme un Kalachnikov. Non. Ov. comme OVNI. Un cocktail Molotov. Des bouteilles de caca. Un cacatov est un mot valise composé de caca et de cocktail Molotov, et c'est une arme par destination formée d'un contenant rempli d'excréments, matière fécale ou urine, parfois diluée dans un peu d'eau, et utilisée contre les forces de l'ordre lors de manifestations. En ce moment, il y en a eu à Paris. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a eu cacatov à Paris. Alors je vous donne l'historique quand même du cacatov. Ça a été c'était utilisé comme projectile ou arme de jet déjà au Moyen Âge en Europe. On lançait des tonneaux remplis de merde qui étaient déversés sur les assaillants du haut des mâchicoulis. Alors, j'ai pas vérifié ce que c'était. Ou utilisés lors de bombardements. Les mâchicoulis, c'est dans les châteaux forts. Ouais. Pour moi, c'est un plat, mais d'un pays que je connais pas. C'est un hachis parmentier, mais tu mets un petit coulis dessus. Mais de merde, un petit peu de merde. Un petit coulis de merde. En 2014, un policier autrichien est victime d'une bombe à lisier installée à un endroit fréquemment utilisé pour les contrôles radar. Les cacatov, ou bombes d'excréments, selon ce que vous aimez, sont utilisées plus largement la première fois début mai au Venezuela, mai 2017, lors des manifestations contre le pouvoir en place. La première présence documentée de cacatov en France a été faite en avril 2018, à la toute base, vous savez où ? Attends, j'ai pas en France, la première fois qu'on a utilisé le cacatov, recensé par les forces de l'ordre. Est-ce que c'est là où il y a l'élection de Macron? Un truc de Corse. Non, là où il y avait l'aéroport. Exactement, c'est chez les Zadistes. Au Notre-Dame-des-Landes. Ils sont bons. Attends, mais moi j'ai une question. C'est juste du caca ou c'est du caca qui prend feu? Alors je vais t'expliquer. Un cacatov est fabriqué en remplissant un contenant en verre ou en plastique. Alors le verre, c'est douloureux en plus d'être humiliant, hein, c'est un peu dangereux, oui. Avec des excréments, urine et matière fécale. Donc ça explose pas, tu l'as vu. Ça veut dire quoi? Tu chies dans ta bouteille ou est-ce que tu chies tu peux prendre un petit et saut. Après tu fourres ta bouteille? Attends, ouais, c'est peut-être du caca de chien. Alors, c'est trop dur. Faut que vous sachiez qu'il y a des... Garder ton caca pendant une semaine sur Facebook ou sur... Alors je crois pas sur YouTube parce qu'ils ont été enlevés, mais il y a des tutos. Mais alors c'est caca de chien ou c'est caca humain? Non, humain. Donc tout marche. Tu peux garder tes caca, tu peux mettre des caca de chien. Oui. Oh, c'est dur, hein. Alors non, justement, c'est plutôt mou. Oh, oui. Excellent. Alors, surtout, c'est de la chiasse, hein. Ces excréments ont apparemment été collectés auprès de volontaires ou préviennent d'autres sources. Voilà, crottes de chiens, litières de chats. Ces projectiles sont ensuite lancés sur les forces de l'ordre avec des élastiques. Au Venezuela, il y avait des petits lance-pierre à merde. Certains observateurs mettent en avant la facilité de fabrication, le prix attractif, l'aspect bio et un peu ludique et l'efficacité, parce qu'apparemment c'est un succès. Certains dénoncent l'aspect insalubre de la chose. Oui, un peu, mais ouais. Attends, ça explose pas, c'est pas... Si, ça explose. Alors, si j'ai vu les images sur les trucs des CRS, là, leur bouclier transparent, c'est à gerber. Ouais. C'est vraiment... Il y en a qui chient dans des capotes également, ou dans des ballons d'eau, ce qui fait que quand ça explose, c'est vraiment une vague de merde. C'est vraiment pour leur s'appeler moral, quoi. c'est pas violent, mais c'est vraiment... Ils font... Oh non. Alors, il y a quand même des... La police a... Il y a quand même des conséquences. Des trucs dégueulasses aussi. Ils ont des produits qui sentent extrêmement mauvais, qu'ils aspergent sur les manifestants, vous savez ça quand même. Et qui vient de sperme macéré. Et il y a un truc, je sais pas si c'est une rumeur ou donc quoi. C'est une bonne guerre finalement. Mais que pour disperser certaines manifs, ils ont des machines qui diffusent des infrabasses. Oui. Et ça fout la chiasse, il paraît. Ah, mais ça, j'en ai entendu parler, c'est le bruit marron. Il paraît que c'est un son qui existe vraiment. Et si t'es constipé, c'est hyper bien. C'est top. Mais tu chies dans ton ben directement, donc c'est moins bien. Mais c'est un peu en demi-teinte. C'est une sorte de Nick Fury. Je suis content d'avoir fait caca, mais dans mon pantalon, j'aurais préféré que non. Oui, il faudrait un horaire, tu sais, comme à la télé, mettez-vous tous sur les chiottes, il y a le bruit marron qui va sortir. Mais c'est une des gens dans la rue. Oh merde, j'avais oublié le changement d'heure. Putain de ceinture de merde, non. Oh merde. Gilet jaune devant, marron derrière. Allez hop. Les grosses caisses. T'arraches les poils un par un. Elle dormait vraiment, elle dormait. Oh non, excuse-nous. Laisse-la aller sur le canapé. Ah bah c'est chiant dessus. Alors en tout cas, il y a des conséquences sanitaires liées à l'utilisation, sachez-le. Puisque certaines personnes touchées par des cacatov ont été prises de vomissements. Et l'utilisation de verre peut causer des blessures. Il s'infecte immédiatement. Immédiatement, immédiatement, voilà, c'est pas, la merde humaine. Y a pas pire, hein. Tu amputes le bras direct en fait. Là, en tout cas, les jets de projectiles de type cacatov sont passibles de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Quand même. Je peux voir le jugement. Donc c'est pas cher, c'est un prêt attractif, mais ça peut coûter cher quand même. Ah, y a pas de guerre propre, moi j'ai envie de te dire. Ce que je veux dire. Il faut savoir également que. Alors attendez, pardon. Oui, cette arme d'un genre nouveau. Pas si nouveau que ça, puisque ça existait déjà. Mais depuis pas si longtemps, je te dis 2017. Au Moyen Âge. Et non, les mâchicoulis. Ah, oui, bien sûr. Tout le tonneau à merde. Oui, c'est vrai. Bouteille de sperme. Ça me dégoûte. Pourra parler de la bouteille à sperme après ou pas? J'aimerais bien qu'on parle de bouteille à sperme parce que c'est... Moi je sais parce pas ce que c'est. Moi je sais. Spermatof. Tu te prends quand même le caca de quelqu'un que tu connais pas. Oui, ce sera un pote. Tu lui laisses te chier sur l'épaule. Je veux dire. Oui, oui, bah tout. Même quelqu'un que je connais, je suis pas fan. Non, mais même, en règle générale, toi, je déteste qu'on me chie dessus. Même moi. Ton propre caca, on te le balance sur toi, tu vas pas aimer. Hein. Même celui de ma chienne, je serais pas content, alors qu'elle est tellement mignonne. Bah, tu vas vite arriver avec du caca sur tes doigts, hein, tu sais. Je lui ai retiré un. Elle a fait caca tout à l'heure, et après, elle avait un. Je pense que c'est un cheveu qu'elle avait mangé. Ah, il y avait une petite crotte qui pendait. J'adore. Et je l'ai retiré. Bah, ouais, Stéphane fait beaucoup ça aussi. Ouais. Lui parce qu'il mange de l'herbe. Et Stéphane a et beaucoup la diarrhée. Ça fait oui, ça va mieux. Et, ah oui. Ah, ouais, parce que j'ai trouvé des nouvelles croquettes là qui digèrent c'est bien. Parce que le premier était facile et puis après c'était est-ce que surtout est-ce quand il mange on déborde là non on déborde un peu sur le thème. Mais ça intéresse, on parle de merde, on est dans le sujet. Parce que Stéphane est un chien. On a les pieds dedans. Je tiens à rappeler Stéphane est le chien de Gaël, voilà. Qui est la nounou était Justine. Et c'était moi. Elle a gardé Stéphane et d'ailleurs il a mangé un poulet entier chez moi. Oui. Et après, il a tout vomi. Oui. Voilà. Et son caca sentait très fort le poulet dégueulasse pendant 3 jours. Bah. C'était génial. Voilà, c'était une belle anecdote. Ah oui. Flo oui, non, mais moi je voulais c'est terminé. On parlait de Stéphane. Non, on repart sur cette histoire de mon chien. Non, bah, on est arrivé plus ou moins au bout. En revanche, je continue sur les gilets jaunes parce qu'il s'est passé un truc terrible en décembre dernier. Ah. Bon. Avec les gilets jaunes. Pas d'amalgame, mais avec deux personnes qui se revendiquent des gilets jaunes. Ce vendredi, je rappelle que je suis Flyrider, le leader des filles. Mais évidemment. Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a condamné 2 jeunes hommes à un stage de citoyenneté où, à défaut, 2 mois de prison ferme. Donc, c'est-à-dire que s'ils faisaient pas le stage, ils se tapaient 2 mois de prison pour des faits peu communs. À votre avis, lesquels ? Ils se sont branlés devant les flics. Non. Sachez que c'est lié à ils avaient faim. Et du coup, ils ont fait quelque chose. Ils ont mangé un flic. Non. Ils ont pété une vitrine et ils ont volé de la bouffe dans un resto. On est synchro avec Juju. Non. Ouais. Ils ont mangé un animal. Alors, ils ont essayé leur chien. Ils ont essayé de manger un animal. Un pigeon. Ils ont essayé de tuer une biche. Ils ont mangé une vache. Je l'offre à Justine, qu'elle n'est pas très loin. Selon les informations de France Bleu, ces deux personnes auraient attaqué une brebis à coups de pelle. Oui, c'est vrai. En décembre dernier. Attends, mais là, c'est. Car vrai. Ils avaient envie d'un kebab. Et le titre, c'est ça, je crois. Oui, bien sûr. Le 14 décembre, près d'un rond-point situé à Courland, dans le Jura, le premier se saisit d'une pelle et frappe le pauvre animal. Tandis que l'autre, armé d'une fourche, essaie de l'achever. Donc c'était vraiment. Non, l'animal n'est pas décédé. Mais il a fait. Stage à Oveto, quand même. Et puis surtout, il s'est radicalisé, du coup. Maintenant, il est vraiment de droite. Il vote républicain. Alors, si ces gens nous écoutent, on ne les embrasse pas. Alors, justement. On leur jette un cacatof dessus. Exactement. Non, mais l'animal. Et un spermatof. L'animal a réussi à s'enfuir, faut le savoir. Et donc, les agresseurs ont été interpellés. Pour réparer ça, ils devront, en plus du stage de citoyenneté, verser 200 euros de dommages et intérêts au détenteur de l'animal attaqué. Moi, je crois que c'était pour elle directement. Mais oui, pour la bestiole. Pas d'amalgame, mais les brebis ne savent pas dépenser leur fric. Elles claquent tout HM. Une personne qui possédait une brebis, donc ? Oui, c'est ça. C'est Qu'est-ce ça. Que c'est que cette histoire ? Bah non, bah. Ils possédaient une forêt. Derrière le périph', il y a des gens. C'est dans le Jura, alors ils peuvent avoir des brebis. Des fermes, ça devait être une ferme. Ah, une brebis, pardon. J'ai une anecdote. J'avais un bouquetin. Non, mais une biche, moi, je me disais, qu'est-ce qu'il faut avec une biche ? J'ai une anecdote. Vous savez qu'en France, c'est impossible de donner son héritage à son chien, par exemple. Oui, j'ai eu ça. Parce que c'était Lagerfeld qui voulait le donner à sa chatte. Oui, parce qu'en Allemagne, tu peux le faire. Et aux États-Unis aussi. Et en fait, aux États-Unis, ça arrive hyper souvent. Il y a un chien qui est très riche, qui est milliardaire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? L'argent est. Je pense que c'est juste une excuse pour que la personne qui s'occupe du chien ait énormément d'argent et tout va bien. Mais dans la loi américaine et allemande, ça va, t'es en train de perdre tes yeux là. Tu veux un petit Zyrtec ? T'es bleu. T'es bleu et t'as une joue très enflée. Un peu radiophonique ce que vous faites. Ouais, mais les gens peuvent t'imaginer. Ça, c'est plutôt pas mal. Se gratter les deux yeux simultanément, c'est bizarre. Donc, tout ça pour dire que la brebis en France n'aurait pas pu toucher l'argent. Peanut, c'est la brebis. Les 200 euros. Rends l'argent, brebis. Internet. Donc c'est quoi un stage de citoyenneté où on va leur apprendre quoi à tondre les brebis, à respecter à un petit peu, correctement. Voilà. Avec un poussin derrière la nuque. Non mais en plus des 200 euros, ils ont dû dédommager effectivement tous les frais de vétérinaire, les séances chez le psy, parce qu'on sort pas indemne de tout ça. Et la SPA s'est constituée partie civile et va toucher un petit 150 balles dans l'affaire. Voilà. 150 ? Ouais. C'est partie civile, hein, tu gagnes jamais énormément. Je suis avocat, je vous le dis tout de suite. Okay. Donc, ce genre de comportement extrêmement déplacé, extrêmement brutal, extrêmement cruel existe. et il est complètement indépendant du mouvement des Gilets jaunes qui ont tenu à se désolidariser de cette attaque. Ouais, bon. Ils ont dit les Kakatov, ok, mais pas la biche. Les Gilets jaunes, c'est vraiment l'inverse de Daesh en fait. Que Daesh, dès qu'il y a un truc un peu. Ils font c'est nous! C'est nous! Et les Gilets jaunes, c'est vraiment l'inverse quoi. Ils font non, non. Mais il avait un gilet jaune, oui, mais c'est pas nous. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a surfé sur le buzz du gilet jaune. Qu'est-ce qu'il a fait pour se faire un peu de pognon là-dessus? Non, alors il y a eu, mais pas d'argent dessus. Un truc qui permet de gagner de l'argent. Mais il a fait des, il a refait des maillots là. Non. Comment ça s'appelle Un gilet? Oui, voilà, pardon, non. Un gilet. Non, non, non, il n'a pas. Il a créé des marques. C'est des vêtements. C'est pas des vêtements. Ce n'est pas la chanson Gilet jaune. Un truc de bouffe. Non. Une chaîne YouTube. Non. Squeezie First. Rappelle-le. Un film. Une OP. Non, pas une OP. Une OP pour Fanta. J'ai envie de deviner là. Mais c'est... t'es pas loin. Il y a pas mille trucs. Hein. Ah, il a voulu déposer le nom. Non, ça aurait été fou. Pas non, il a pas voulu con. Déposer le nom. Il a voulu être leader. Bah, ouais. Non, non, non. Ça sert à rien. Un nom de domaine. Non. Pensez à un truc vraiment plus matériel. Bah, il a. C'est des fringues ou pas? Une marque de gilets jaunes. Non, non. Ils ont fait des gilets jaunes. Il a fait des figurines de Fly Rider. Un action man, non, pas du tout. Des pins, non. Il a... Des pneus, une marque de pneus. Un livre. Non, un truc qu'on pourrait trouver dans un Toys R Us par exemple. Ah, des petites figurines, des petits jouets, des petites peluches. Des bouteilles de Kakatov. Non. Des Lego. Un jeu de société. Jaunes. Ah, bien. Un jeu de société. Jeu de société. Gilets jaunes. C'est ça. Sérieux. C'est un jeu de société qui s'intitule Gilles et John. Combien de personnes ont fait cette blague? Qui arrivera le premier? Point d'interrogation. C'est un jeu de société qui coûte quand même 30 balles, je vous le dis quand même. C'est pas les gilets jaunes qui vont pouvoir se payer. Ça permet de faire une sorte de course en esquivant les différents obstacles. Barrage de gilets jaunes et CRS. C'est un jeu de loi, mais il y a des gilets. Exactement. Le but, c'est d'être le premier à réaliser un trajet qui passe par toutes les villes, qui figure sur les cartes villes distribuées à chaque joueur en début de partie. En fait, le jeu de plateau, c'est la France et tu dois passer par toutes les villes. Alors qu'un jeu, un jeu vidéo. Ça pourrait être pas mal, un beat'em up. Street of Rage avec le boxeur raciste là. Le boxeur raciste là. Le... Vous avez vu ça, le mec, le boxeur là Oui. Il était raciste. Ah, il était au FN, littéralement. Tout bonnement. Ah, d'accord. Voilà. Énorme raciste. Mais comme le bruit commence à se répandre, Philippe. Pas plus raciste, en fait. Philippe qui a créé le jeu, qui est un chômeur vivant dans le sud de la France. Ah, je m'étonne. Et il a eu. Il a utilisé sa prime de licenciement pour financer 1000 exemplaires. Et voilà. Sauf qu'effectivement, les 1000 exemplaires sont partis extrêmement vite. Et là, c'est un succès sur Amazon. Ah, bah, ça voilà, se vend Philippe. Comme des petits pains. Ah, donc ça y est, c'est je suis content du coup. Philippe, il va se faire un petit pécule. Il va se faire un petit peu de pognon. Ça, c'est une malin. Belle nouvelle. Eh ben oui, c'est et une jolie histoire. Va faire il est d'où? Il est de quelle ville, t'as dit? Il vient de. Et partout, les chemins, il revient. D'ailleurs. Non, je l'ai dit d'où il venait. Oui, oui, sud de la France, exactement. Peut-être chez toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un restaurant. Pour nudistes. Il va faire faillite. Voilà. Mais il tient à s'exprimer sur le sujet. À la base, il ne s'agissait que d'une boutade. Et comme le bruit commence à se répandre, il espère que la blague. Christine Boutade, oui, Adrien. Joli. Et comme le bruit commence à se répandre, il espère que la blague ne sera pas prise au sérieux. Parce que je pense qu'il a un peu peur d'avoir les flics chez lui. Mais en tout cas, c'est sur Amazon. Ça se joue. Je vais l'acheter. Moi aussi, direct. Ça se joue de 2 à 6. 30 balles. Le jeu événement de 2019. Bon, c'est pas de l'indé pur, hein. C'est quand même, il y a une boîte de prod derrière et tout, hein. Mais en tout cas. Ravensburger, quand même. C'est ça. C'est beaucoup. C'est vrai. Et donc voilà, ce petit jeu qui est sorti pour la modique somme de 29,90€. Ah, s'il te plaît. Voilà. Pardon, j'ai manqué de précision. C'est en dessous de 30€. Voilà. Les amis, nous allons passer au thème d'aujourd'hui. Qu'on appelle thème ou thème pas. Joli. T'as dit quoi, Adrien? Tu les as hurlé. Culturelles. Bon, on va le faire après. Wow. Ouais, on change un peu les règles. Bah, écoute. Non, en fait, je change plein de trucs et comme ça, après, les gens pourront me dire par Twitter que c'était mieux avant. Déjà, ça, ils pourront le dire. Ouais. Et me dire ce qu'ils préfèrent. Non, je voulais garder les recommandations pour la fin. Tu penses que c'est une erreur? C'est toi le chef. Moi, je ne suis qu'invité. C'est toi le boss. Je ne suis qu'invité. Oui, mais tu es un invité permanent. Quand même, parce que tu es le sniper. Là, t'es dans le générique quand même, oui. Comme invité. On dit ton nom. Nous, on n'était pas dans le générique, par exemple. Ouais. On ne peut pas le savoir. T'es un peu dur. Tu te trouves un peu dur. Adrien, tu viens de renifler. T'as une dent qui pousse dans le nez, je crois. J'ai une dent dans le nez. Une dent contre toi. Oh. Allez hop. Adrien, bonne soirée. J'ai envie de commencer par toi. Alors, moi, c'est un truc sur Netflix. Non, t'es complètement malade en fait. Waouh. Je voulais parler d'animaux de compagnie. T'as dormi, mec. Et t'as dormi pendant 5 minutes. Ah, et toi, tu as fait l'acquisition. Peut-on dire acquisition déjà d'un petit chien? Pas l'achat, mais l'acquisition. Oui, l'acquisition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce petit animal de compagnie? Alors, c'est une. Ah, il démarre en côte. Il démarre en côte. Ah, j'ai bugué. Hey. Non, elle s'appelle Frankie. C'est une femelle de race indéterminée. On l'a adoptée. Elle est venue de la Réunion. Alors comment ça se passe déjà? Comment alors, déjà, si ça vous intéresse d'adopter un animal, il y a un site qui est très bien qui s'appelle secondechance.org. Et c'est un peu le. Je connais pas bien les trucs, mais genre Audrey Cupid. Rigole. Pourquoi Audrey rigole? Non, pardon. T'es complètement malade. Je me suis imaginé seconde chance. Pas forcément, ça dépend dans quelle famille tu tombes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, j'étais vraiment libre avant. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous faites. J'aimais vraiment la première chance, quoi. il me rase les poils. C'est vous qui avez décidé que je devais en avoir une deuxième. Personne m'a demandé. Rien demandé, quoi. J'étais bien à la réunion. En l'occurrence, avec Adrien, c'est une vraie seconde chance. Ah oui. La chance de sa vie. Non, oui, seconde chance, c'est un peu. Ça regroupe un peu toutes les associations, refuges, etc. Et on peut. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que c'est pas seulement des chats et des chiens, mais c'est que des tous humains. Les animaux. Des humains. Des iguanes. C'est là que c'est problématique. Il y a des humains. Non, mais tu peux adopter un coq, un cheval, j'ai vu. Ouais. Un cheval, un lapin, un furet, un oiseau. Ah ouais, Une brebis peut-être. Une brebis qui s'est tabassée à coup de pelle. Bon coup de pelle dans la gueule. Attends, ils sont tous à la Réunion? Non, pas ah, du tout. Dans nous, le monde justement, c'est en France, enfin métropole et Dom-Tom. Ils parlent tous sinon, français. Sinon, ça serait Second Chance. Ouais. All right. Second Chance. Et en italien, ça serait Secondo Recche Quattro Vesuvio. Et voilà, c'est très raciste. Ça va. Pleureur. Je suis italien. T'es un saoul, pleureur. Je suis italien. Nice, c'est en Italie. Et ta mère, elle est en Italie? Ben non, elle est dispersée à Nanterre maintenant. Ah, bah oui, c'est vrai. Bah oui. Pourquoi j'ai fait cette blague? Je savais en plus. Dispersé à Nanterre, qui est ton album de rap aussi, je crois. Ouais, c'est vrai. Oh, j'étais un peu. Voilà. J'avais pas de crier. Non. Et donc, non, mais c'est vraiment bien parce que on peut entrer vraiment des critères de recherche et tout, et ça affiche les résultats, par exemple, donc, si vous voulez. Coq handicapé. Non, mais l'âge, la taille, le sexe de l'animal et tout ça. Parce que c'est une femelle, c'est quand même beaucoup moins chiant. En vrai, d'avoir une femelle, chien en tout cas. Elle est pas à la maison, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, c'est là. Je cherche pas mon regard. Non, j'ai cherché n'importe quel regard. Je vois que j'en ai eu aucun. Pierre Bénichou aurait adoré. C'est vraiment, je suis dégoûté. Et en fait, bah du coup, alors, au début, on avait repéré une autre petite chienne. Qui a été euthanasiée d'ailleurs, du coup. Mais non, mais je sais pas ce qu'elle est devenue. Seconde chance. Zéro chance. D'ailleurs, c'est un autre site. Zéro chance, il bute des animaux. Tu choisis un animal et il le tue pour toi. Un animal qui va très bien. Pas de bol. C'est padbol.com. Et en fait, on a fait les démarches pour l'adopter. Ils nous ont dit elle est trop craintive pour vivre en ville. Mais voici d'autres animaux qui pourraient correspondre voici à Frankie. Ce que vous attendez. Et dans la liste, il y avait Frankie. Oh, qui s'appelait Frankie. Tina. Oula, ok. Donc on a dit ce genre de questions. et puis bah du coup on l'a adoptée, elle a été rapatriée en avion. En avion, c'est ça. Elle répond pas du tout à son prénom du coup. Ouais, ça c'est le problème. Dans la soute. En soute en fait. En première classe, Adrien est pété de thunes. Non, mais ça c'est vraiment l'association qui gère. Elle gère tout. Oui, oui. D'accord. Première classe avec ses petites papates, elle pouvait choisir les films. Absolument. Elle gère les Beethoven et tous les Air Bud. Que t'avais scénarisé, donc comme en plus quoi, c'était oui, un premier. Bah, on l'avait briefé. Non, en fait, ils passent des accords avec des gens qui font le voyage à titre personnel et ils leur disent bah, est-ce que ça vous ennuie si on ajoute sur votre billet un animal? Ça vous coûte qu'il rien. Boire de cocaïne. Exactement. Elle avait un énorme ballon gonflable dans le cul. Et du coup, il y a quelqu'un de l'asso qui est avec nous pour récupérer l'animal à l'aéroport et tout. Donc, voilà. Et t'as été à l'aéroport la chercher? Oui, on va. C'est trop mignon. C'est trop mignon. T'avais un petit carton avec son nom? Non. C'était quand ça? C'était il y a un mois et demi. Attends, c'est-à-dire qu'elle a pris l'avion pour la première fois de sa vie. En soute. Elle t'a vu toi? Non, mais je pense qu'il faut que tu racontes l'arrivée surtout parce qu'elle venait de la Réunion. Elle était bronzée? Elle avait froid? Un peu. Ah. Non, en fait, elle venait de la Réunion. C'est que ça où elle était à la SPA de Réunion Sud, ouais. pour la précision. Donc, elle était avec plein de chiens. Elle était avec des gens qu'elle connaissait, tout ça. Donc, ensuite, on l'a prise. Et au soleil, hein, du coup, parce qu'en plus, elle était là-bas en ce moment. Ils l'ont prise, ils l'ont mise dans une cage. Elle est passée 12 heures, elle est ressortie, il neigeait, il n'y avait plus personne qu'elle connaissait, il n'y avait plus de chien, il n'y avait plus rien. Donc, seconde chance! Donc, elle était pas au top de sa forme. Au début, il y avait une inquiétude. Elle était. Petite appréhension. Elle était vraiment. Non, mais c'est l'impression que cette seconde chance, c'est de la merde. Pour le moment, je me suis fait niquer. Mais en voyage, il fait froid. Tous mes potes sont partis. Sur TripAdvisor, ils vont m'entendre. Je vais leur faire. Je vais leur mettre une étoile. Non, elle était déprimée les premiers jours. Et ça se traduit comment, une dépression de chien? Ben, elle dort. Bon, elle a dormi genre toute la journée, toute la nuit. Bon, après, elle était aussi fatiguée. Je pense qu'elle a pas dormi. Lag. Le jet lag, un peu. Oui. Il paraît que oui. Pour les animaux, c'est décuplé, quoi. C'est-à-dire que c'est comme leur âge. Il y a deux. Ils dorment deux mois après. Non, mais il y a que deux heures, je crois, de décalage avec la réunion, un truc comme ça. Enfin, il y a assez peu. Mais il paraît que pour les chiens, c'est beaucoup plus, quoi. C'est fois 7, c'est exactement ce que dit. Oui, bah, ouais. Non, mais d'autant qu'en plus, oui, la réunion, le soleil tombe, enfin, se couche très tôt. Et alors que ici les journées sont, enfin tu vois, faut, c'est genre à la réunion, tu te lèves à 5h du mat, il y a du soleil. Elle et... était déboussolée. Voilà, c'est ça. Ouais, on peut elle le dire. Elle était pas bien. Ouais. Et mais c'était, et oui, et donc du coup c'était, tu l'appelles, elle répond pas. Tu l'appelles en plus, tu l'appelles Francky, oui, alors qu'elle s'appelait non, Tina. Non mais si tu fais t'étais alors, ça t'ignore complètement. Ça a réveillé le chien de Audrey. Et en fait ce qui était cool, c'était que du coup petit à petit on l'a vu reprendre vous étiez vie. Très similaire du coup, vous étiez tous les oui, deux. Voilà. Oui, c'est ce que je disais, c'était bien d'être pas le plus déprimé à la maison, il y a quelqu'un d'autre. Non mais du coup on l'a vu reprendre vie et tout, et c'était trop bien, et s'attacher à nous et tout. Ça et a mis combien de temps? Assez rapide. Ouais, ça a été vite. En vrai, 3 jours. Un régal. Moi je crois que je l'ai rencontrée une semaine après, elle était déjà toute contente, elle sautait partout, elle était trop mignonne. Elle est adorable, elle a un an. Mon avis, elle prépare un mauvais coup surtout. J'ai une anecdote là-dessus. Parce que nous on nous a dit, bah elle a un an. Sauf que apparemment, certaines associations mentent. Mentent parce qu'elles ne savent pas l'âge en fait, je pense. Non, pour te le refourguer. Les deux, il y a un peu des deux. On mais va pas, vraiment mais faire de la promo pendant 20 minutes de seconde chance pour éviter de leur chier à la gueule. Non, alors, attention, quoi, c'est seconde, de la merde. Seconde chance, c'est pas une asso, c'est juste le site. Oui, d'accord, ok. Après, tu, okay. Il te dit. C'est... Ouais. Ouais. Donc, qui appartient à Monsanto en plus. Non, mais il y a une amie de ma copine, elle a adopté un chien, ils lui ont dit, ouais, il a un an et tout. Elle l'a amené chez le véto, il a fait. Faites voir. Il a 8 ans. Allez. Wow. Et en fait, le chien était beaucoup plus vieux. Et Toi, il avait une petite béquille. des lunettes. Il disait, tu peux mettre slam. Il se levait la nuit pour pisser. Il y a des petits indices, quoi. Il faut regarder au tartre sur les dents. Il disait, je crois qu'il y a justement une petite pakistanaise qui me pique mon argent. Elle a beaucoup de tartre. Elle a pas mal de tartre. Je alors pense qu'en vrai, elle a plus qu'un an. Je pense. Ah ouais. Ah ouais, bah oui. Et moi, j'aimerais bien l'amener chez le véto pour qu'il. Alors, il étudie la bête. En parlant de véto. Je crois que c'est comme les arbres, non? Faut faire un. Faut la couper en deux, ouais. Ouais. Non, tu prends un petit bien lui péter les branches. Tu fais un trou comme ça, une carotte, quoi. Fait ça je crois. Non, si. Mais t'es cinglé. Okay, mais déjà, les arbres, excusez-moi. Les arbres n'ont pas de trou du cul, déjà. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas comment on dit, vous savez. Hein. Si. Ouais, carotte, c'est ça. Mais t'es cinglé de dire qu'on fait ça. Je suis cinglé, Stéphane, il s'en porte très bien. Cinglé, faut mettre les holas sur la brèche, d'ailleurs. Et Nancer. Tu voles un hot dog de la main même du barbecue. Ok. Tu t'es auto-fatigué. Personne n'a la ref. Mais il y a qu'Adrien et moi et peut-être deux personnes, on les embrasse. Mais pour dire qu'en parlant de vétérinaire, elle est malade. En fait, elle a eu de la. Il y a 5 jours là, elle était complètement apathique. Comme Jean-Michel. Exactement. Jean-Michel elle semblait. Mais peut-être elle avait un regain de déprime. Elle a pensé au soleil, au cocotier. Elle avait voilà. L'accent du sud. Un petit flashback. C'est ce qu'on s'est dit. Que elle, oh, elle, elle est un peu déprimée. Bah sauf oui. Qu'à un moment, elle s'est mise à trembler dans son panier. Et à chier du sang. Non. Ah. Mais elle a tremblé. Là, attention dis, les là, vannes sur ce sens. elle est très déprimée pour trembler. Ah. Non. Et du coup, on a une clinique vétérinaire vraiment dans notre rue. Donc on l'a amenée, ils l'ont gardée la nuit, ils l'ont perfusée. Donc ça c'était un peu mignon. Parce qu'elle marchait avec sa petite perfusion, c'était mignon. Perfuser vos animaux, vous verrez. Ils lui ont donné un anti-inflammatoire. Et le lendemain matin, ils ont dit, bon bah elle va mieux, vous pouvez la récupérer. Mais vous lui donnez des... Il va vous le dire, enfin. Et c'est très décevant d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas, je vous le dis tout de suite. On ne sait pas, mais c'est très dur de diagnostiquer un chien. Bon, peu communicatif. Oui, ah bah, au prix où je paye le veto, c'est très il cher. Pourrait quand même être un petit peu c'est plus... Très cher. Voilà. Le prochain, je l'achète quand même, parce que... C'est pour en avoir tout pourri qui est malade et qui coûte. Non, bien sûr que non. Mais. Tout pourri qui est malade. L'image est géniale. Si tu m'écoutes. C'est, je t'aime, je rigole. Même Mila s'est réveillée, genre, oh attends, t'es en train d'insulter ma culture. Et donc, on lui a donné des anti-inflammatoires pendant 3 jours. Elle allait plutôt bien. Enfin, elle allait bien, quoi. Elle avait repris du poil d'elle-même, hein, j'ai envie de dire. Oui. Troisième chance. Et le quatrième jour, re de la fièvre. Allez, hop. Ramené chez le médecin. Prise de sang. Globules blancs élevés. Oui. Ouh, aïe, aïe, attention. Donc, elle, a, elle est sous antibiotiques. D'accord. Et là, elle est. Elle va très bien là. Ah. Elle a vraiment, elle fait la preuve folle, elle court. Voyons elle est dans deux jours. Excuse-moi, je veux pas te. Non mais c'est vrai. Non mais je suis. Oui, moi je suis pas tout à fait encore rassuré, mais là en tout cas elle va très bien. Bon, trop bien. En même temps, elle a sans doute 12 ans, donc. Non mais là le soleil revient, les beaux jours reviennent, ça va lui faire un bien fou. Exactement. Voilà. Avec un mois de février comme on a eu, t'inquiète pas qu'elle va avoir l'équivalent de la Réunion dans quelques semaines. Bah oui, c'est tout le mal chaud. Qu'on lui souhaite. Peut-être que vous pouvez faire un voyage à la Réunion. Non. Pour lui rappeler un petit peu c'est le. C'est encore le bon vraiment temps, non, 12 heures de vol. Troisième chance, aller-retour. Décalage horaire. Tu retournes un an et demi. Et t'as grandi avec des chiens, Adrien, ou pas du tout? Alors, j'ai eu un chien quand j'étais petit, mais. Peu, mais tu pas l'aimais pas. Pas longtemps. Pas longtemps. D'accord. T'as pas, mais t'étais très jeune, genre? J'avais moins de 9 ans parce ah que oui, mon voilà. père était encore à la maison. Ouais. Donc. C'est pas une blague. Non, mais c'était. Il seconde est... chance. Non mais ce que j'aime c'est les points de repère tragiques. Non, là je parle du divorce. Je parle du divorce de mes parents. Je parle pas de la mort non, mais... de mon père. Il parlait qu'il y avait quelque chose. Il parlait que du divorce. C'était c'est juste rien. Dans la vie en réelle, j'aurais pas dit à la maison. Genre l'équivalent du divorce, c'est l'équivalent d'une mauvaise vie pour nous chez Adrien. On a envie de te mettre aussi sur seconde chance, Adrien. Oh. Je me la suis faite moi-même, ma seconde oh, chance. Oh, il s'est reconstruit. Okay. Pas besoin d'un SMR, celui-là. Non, oui, j'ai eu un chien une fois, mais voilà. Très, c'était pas la meilleure ambiance. Ouais, ouais. Non, mais est-ce que t'as grandi. Non, mais c'était. Parce que la question qui en découlait était est-ce que t'as grandi avec cette envie d'avoir un chien qui, à ton avis, venait de cette jeunesse? Non, c'est venu plus tard, l'envie d'avoir un chien, je pense. Ouais. C'était là, en tant qu'adulte, dans la trentaine, où j'ai vraiment dit putain, j'adore les chiens, j'ai trop envie d'en avoir un et tout. Et puis ça fait longtemps quoi. Ouais. Et là enfin ça y est. Oui, t'as réfléchi à ton truc. Ouais. Est-ce qu'autour de la tête des gens ont grandi avec des chiens? Je parle d'avant d'en acquérir. Des enfants sauvages, on cherche. Dans la forêt de Rambouillet. Les petits Mowgli. Gaël? Oui, moi j'ai été élevé par une meute de boxeurs, chihuahua. Toi de chihuahua, ouais. Ah ouais? Et ouais, non, moi, j'en ai toujours eu. D'accord. J'en ai eu trois d'affilée. D'accord. À tous les âges. Et dès qu'il mourait, on en prenait un nouveau. C'est un peu ça. On s'attachait pas du tout en fait. Voilà. Non, il y a toujours eu des chiens à la maison. C'est pour mais ça c'était mon drame. En arrivant à Paris, c'était. Oui, pas ça, la place. Pas la place, pas l'argent, pas le temps. Et je me suis dit, il va être triste, il va être malheureux aussi, c'est chiant. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as. Tout le temps. Parce que toi, t'étais petit, tu viens de province, vraiment, toi, tu viens du sud de la France. De Nice, ouais. Et j'avais toujours un petit toutou. Comme Philippe. Un petit toutou avec moi, quoi. T'as eu quoi? Et vous les filles? Non, j'allais passer aux filles. Je voulais juste savoir parce que justement tu soulevais un truc intéressant, Audrey, par de la lavande. Tu peux remplir une petite gourde d'eau si tu veux l'avoir près de. Parce que je vois que tu fais des petits allers-retours, Adrien. N'hésite pas. Mais il se détend parce les pattes. À la manière de Roméo Elvis, je suis en mode gourde. Donc tu peux aller te les chercher. Non, ma question, là, je trouvais pas ça inintéressant de ce que disait Audrey. Dès qu'un chien mourait, t'en reprenais un. Oui. Moi, je comprends complètement ce truc-là qui est pas forcément un truc de pas s'attacher. Je pense que c'est un vide. Sûr, non, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent penser ça. Moi, j'ai fait ça avec mes parents. Absolument. Daniel et Monique. Combien de fois t'as changé? Une fois pour l'instant. Okay. Non, mais c'est les deux vieux de scène de ménage d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça. Je te les prête. Très triste de perdre son toutou. Hein. C'est triste de perdre quelqu'un de manière générale. Ouais. Non, mais un toutou, t'as une espèce de. Mais un chien, c'est pire, Adrien. Moi, j'ai une anecdote. Non, mais en vrai, je pense que ça va être horrible. Hein, parce que là, c'est déjà, quand elle a eu de la fièvre, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Moi, j'ai un de mes chiens qui est mort devant moi pendant que je le promenais. Oh, il est tombé AVC seul. Non. Oh, non, crise cardiaque, je pense. AVC, il était très vieux, très malade. D'accord. Donc, c'était sur la fin. Et vraiment, il était pas bien, ça se voyait. On sentait que c'était le dernier jour. Et je baladais. C'est très badant ce que je raconte. Non, mais y a pas de souci. Il est vraiment tombé, boum, au sol, les pattes droites. Mais d'un coup, comme ça? Ouais. Donc on peut imaginer horrible. Qu'il a pas souffert. Et je n'avais pas de téléphone portable sur moi, donc je pour ne savais pas story. Quoi faire. Tu ne pouvais pas filmer. J'étais vraiment. Je ne pouvais pas faire une story sur la mort. Dodo. Lol, regardez, il meurt, ce connard. Un gif. Non, c'était très dur, c'est très dur, et c'est pour ça. Mais tout le monde, ceux qui ont, j'ai un ami aussi qui avait son chien était en train de mourir, il m'a appelé pour que j'aille avec lui le piquer au veto. Ah, c'est dur ça. Et c'est des, ouais, c'est des moments. Eddie et au veto. Ouais. Non, mais pareil, j'ai complètement raté. Moi, c'est ça qui est beau. Vous avez vu le film sur les toutous avec sur Netflix, Jennifer Aniston, Air Bud? Air, oui. Ah non, Marley et moi. Marley et moi, bien sûr. La fantastique. Oh, le spoiler, ça peut ou quoi? Je l'ai pas vu. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu. Le chien meurt à la fin. Owen Wilson meurt à la fin. Non, non, et c'est en fait, t'as les Team Chien. Rien me donne envie de voir ce film. Non, il est génial. Non, sur le papier, tu vois, la bande annonce, tu dis, vas-y, un film de chien. Mais vraiment, enfin, je sais pas si t'as vu. C'est rarement sur le papier les bandes annonces. Oh. Eh ben moi, oui. Je suis abonné un flipbook à Télépoche, mon pote. Un flipbook. Non, c'est oui, touchant. C'est un film qui retrace la vie d'un chien dans une famille. Bien sûr. De chiot à décès, on peut vous le dire. Hein. Et avec tout ce que vit la famille autour et, l'importance de la présence du chien. Ah, j'ai chialé. À la base, c'est sûr que tu chiales. Ah oui, c'est tu chiales dans tous les cas. Même quand tu sais, moi, on m'avait dit le chien meurt, j'ai pas envie de le regarder. J'ai pris l'avion, j'ai regardé. Bon, t'es quand même triste quand il meurt. C'est comme Hachiko. Oui, bien sûr. Tu peux rappeler ce que c'est? Alors, c'était au Japon. Mais c'est une histoire vraie. Hein. Oui, je sais. Ah oui. C'était au Japon. Qui attendait son maître. C'était un instituteur. Et tous les matins, il allait prendre son train pour aller travailler. Et son chien, il marchait avec lui. Et il l'attendait. Et après, il allait faire sa vie. Et le soir, il allait l'attendre sur le quai. Non, c'était le train. Train. Ouais. Et il l'attendait sur le quai. Sauf que un jour, le maître est mort, en fait, à son taf. Donc, il n'est jamais revenu. Et en fait, le chien, jusqu'à sa mort, il a attendu son maître sur le quai. Tous les jours. J'ai un peu envie d'y aller en le. Moi, j'ai une petite larme qui arrive. Et vraiment, jusqu'à sa mort. Et du coup, les usagers du train lui filent à bouffer et tout, machin, etc. C'est devenu un peu la mascotte de la ville. Il y a une statue là-bas. Une statue à son effigie. Il y a une statue dans la gare, il y a une statue du chien. Mm. Et ils ont adapté deux fois cette histoire en film. Ouais, Richard Gere, il y a un merci Tales from the Click, parce que je l'ai appris là-dedans. Ah bon, je savais qu'il y avait un film avec Richard Gere, mais il y a aussi un film japonais, je crois. Ça s'appelle comment? Michael Bay, c'est Michael Bay. Hachiko, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est le nom du chien. Et il y a un épisode de Futurama aussi qui parle de ça. Ah putain. Jurassic Park. Ah, horrible. Et c'est un Akita, le chien. Squeezie first. Attends, Hachiko, tu l'appelles comment? H-A-C-H-I-K-O, je crois. Léo et Chico. Comme un Chico. Le dessin animé. Justine Le Potier. C'est moi. Toi, tu as un chien qui t'attend dans ta famille? Alors, mes parents ont un chien, mais moi, j'ai toujours eu des Coco Lapin. Bien sûr, qu'on embrasse. Il s'appelle Coco Lapin. Folle alliée. Ça nous a toujours fait beaucoup rire. C'est ma mère et moi qui avons choisi. Mais il est magnifique, ce chien. Mais moi, il est beau. J'ai des amis qui avaient un chat qui s'appelait Lapin. Ah, mais j'appelle Coco quoi. Lapin. Kitty, le chien de Nato. Ah oui, voilà, on est dans la folie, on délire. Mon chat s'appelle La Plante. Pareil, on est vraiment des fous, on est des malades. Le radiateur. Pas un chien, il s'appelle. Tout sauf un chien, il s'appelle. Oui, j'ai toujours des chiens et c'était des golden. Nous, on est fidèles à... Golden moustache. Déjà, non, golden retriever. Ah, pardon. Et voilà, donc Bobby et Coco, Lapin. Bien sûr. Et voilà, d'autres questions? Non, je fais un petit tour de table. Très bien. Audrey? Aucun animal avant ça, mes parents étaient... Ça, c'est Mila. Ah ouais, avant cet épisode de ma vie depuis que j'ai Mimi. Mes parents étaient contre tous les petits animaux, grands animaux, peu importe. Un jour, ma sœur est arrivée contre avec un même, chaton. Déjà, même nous, ils avaient du mal à nous supporter, donc c'était compliqué. Ma sœur est arrivée avec un chaton. Oh, à coup de pelle, direct. L'histoire de la brebis, ouais. Mon père et ma mère. et ma mère a dit, ah non, hop, et le chaton est reparti. Ils n'ont jamais dans voulu les toilettes. Ils ont tiré la chasse. D'animaux, mais genre vraiment dur. Ouais, c'est bizarre. Jamais, jamais. Il y a plein de gens en fait, comme ça. Mais, tu sais pourquoi? Parce que vu que mes parents sont très sensibles, ils se sont dit, ok, déjà que ça va mourir, et il faut s'épargner. Donc on va s'épargner la mort d'animaux. Mais ils en avaient eu petit? Non. Non, parce que t'es campagne et les animaux là-bas on les mange. Donc on est plutôt sur ma grand-mère qui va m'apprendre par contre à comment bien tuer un lapin. Vous tapez derrière la tête, bien les sûr. Yeux tombent, clac sur les pattes et bien rac. Bien comme sûr. J'ai vécu ça aussi. Bah, moi aussi. Horrible. Donc c'est moi, pareil pour traumatisme. Les coudets. Traumatisme. C'était le frère de ma grand-mère était chasseur. Et donc j'ai assisté à ça, et j'ai assisté à un traumatisme aussi dont je me souviendrai toute ma vie. Je me souviens même plus de l'âge que j'avais. J'étais vraiment jeune. Tu sais, j'ai vraiment ce souvenir, et les autres souvenirs de ma vie démarrent vraiment 3-4 ans après. Tu vois, c'est vraiment je me souviens d'être très petit. Il avait une chienne qui a eu des bébés. Et là, pour le coup, il a creusé un trou et il les a jetés vivants. Horrible. Il a mis de l'essence et il a allumé. Ouais. Ah. Et c'est... Non, il a pas mis l'essence, il les a vraiment enterrés vivants, ce qui est pire. Voilà. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Et c'est carapace. Carapace. Et je sais que j'ai un truc avec. En terre vivant, c'est horrible. Je respecte vraiment les chiens depuis et savoir s'en occuper depuis cet épisode qui m'a vraiment traumatisé. Ah bah la vie. Oui, oui, on parce que moi, c'est vraiment les extrêmes en plus. Parce que d'un côté, t'as un petit animal très mignon. C'est des chiots. C'est des petits chiots très mignons que t'as envie de leur faire des petits bisous. Et de l'autre, tu as en terre vivant. Mais soyez rassurés, l'oncle de ma grand-mère est alcoolique et on lui a tranché 3 membres de son corps à cause des maladies qui sont avec l'alcool. Le karma. Bonne guerre. Cette bonne guerre. Le karma, mon pote. C'est un point de renaissance. Quel membre. On peut lancer un bienfait. Les deux. Je crois que c'est les deux jambes et un bras, tout simplement. Vache. Voilà. Qui était sclérosé par l'alcool. Va creuser un trou maintenant, mon pote. Il nous écoute d'ailleurs. Donc on l'embrasse. Il doit boire encore. Hein, il doit boire. Ah. Non, c'est ça qui est fou. C'est que le gars, à la première jambe, tu dis bon, allez, je vais peut-être lever le pied sans mauvais jeu. Et en fait. Non, il tombe. Mais quel âge il a? C'est un vieux monsieur maintenant. 17 ans. Et après, moi, j'ai eu un chien aussi. Je ne l'ai pas eu très longtemps. C'était le chien de mon arrière-grand-mère. Donc la grand-mère de ma mère. Et qui est décédé, et donc du coup il y a le chien, faut en faire quelque chose. Et donc moi mes parents étaient exactement comme les tiens, Audrey, c'est pas d'animaux. Je savais pas trop pourquoi, mais je pense qu'ils m'ont eu très jeune, moi et mon frère. Et je pense qu'il fallait pas déjà pas d'emmerde en plus. Ouais, il fallait déjà s'occuper de ça, quoi. Tu vois, et ils venaient d'acheter une maison, enfin tu vois, plein de trucs qui fait qu'un chien c'est un peu relou. Ça coûte du blé, hein. Et ça coûte du blé. Donc là, mais là la grand-mère meurt, elle est toute seule, donc on récupère le chien qui s'appelait la Bébelle, parce que la Bourgogne simplement. On s'appelait la Bébelle. La Bébelle. La Bébelle. Et le pauvre tac, animal. Tac tac badaboum, j'ai envie de tac, dire. Tac, bah justement, tac tac badaboum, parce qu'il s'est fait percuter par une voiture. Bah dis donc. Mais l'histoire est un peu triste. Génial. Parce que l'histoire est un peu triste. En fait, elle adorait les enfants. Et elle a entendu des enfants de l'autre côté. Et elle y est allée. Oh et il y a une voiture qui est passée ça à ce moment-là. Moi, je lâcherai jamais mon chien dans Paris. Non, mais elle a sauté la barrière. Il y avait une barrière. Pour aller voir les enfants. Pour aller voir des enfants, il y avait une voiture. Oh, c'était une intention noble. C'est le karma. Laisse les gosses tranquilles. Voilà. Mais donc voilà. Donc c'est moi. Mes souvenirs avec les chiens de mon enfance sont tous un peu dramatiques. C'est dur. Et donc du coup, j'ai toujours. Moi, c'est mon rêve d'avoir un chien. Je rêve d'avoir un chien, mais je peux pas à Paris. J'ai besoin d'avoir t'aimes un jardin. T'aimes bien Mimi. J'adore Mila. Surtout qu'en plus, elle fait jamais de bruit. Allez. Voilà. Vous l'avez réveillée. Elle s'est cognée en plus. C'est vraiment cogner le museau très fort en sautant de la table. Mila. Oh, je suis désolé, tous les chiens que je fréquente meurent en fait. Je suis désolé, Audrey. C'est pour ça que je n'amène plus Francky. Je l'ai amené une fois, elle est tombée malade. Systématiquement avec Mila. Mais par contre, moi après, j'ai travaillé à la SPA pendant huit ans. J'ai 6 ans. Bravo. Quand même. Ouais, 6 ans, de mes 12 à 18 ans. Et après, je suis parti à Paris, donc j'ai arrêté de m'occuper des chiens. Mais à Autun, à Lorme, plus exactement, à côté de Saint-Pantaléon. En bénévolat. En bénévolat, ouais, parce qu'en fait, je voulais un chien. Et mes parents n'en voulaient pas après toutes ces tristes expériences que je vous ai partagées. Oui. Et ils m'ont dit si tu veux vraiment t'occuper d'un chien, t'as qu'à travailler à l'SPA. Est-ce que tous les chiens de l'SPA sont morts quand tu as foulé? Dès que je les touchais, en fait. Voilà. Non, au contraire. Et ça a été une des. J'en parle beaucoup, je sais même pas si je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais c'est une des meilleures expériences de ma vie, par contre, de devoir travailler à la SPA. J'y allais pas beaucoup. Par rapport au Festival de Cannes, t'as préféré quoi? Mille fois mieux. Par rapport au Web Comedy Awards. Peut-être un peu moins bien. La SPA n'avait pas la chance d'avoir Patrick Timsit, en fait, c'est ça qui fait que. Mais en gros, à la SPA, ce qui était. J'étais bénévole, mais light, vu que j'étais jeune, j'y travaillais que les mercredis après-midi, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est oui. C'était une expérience assez ouf parce que. Tu te sens utile. Pardon, je vois. Il y a des mimiques de gars à gauche. Et tu les vois aller bien, en fait. Même si la SPA, c'est très compliqué. Moi, j'avais la chance d'être en. Donc, Autun, c'est une petite ville. Donc, il n'y a pas non plus 1 milliard de chiens dans des box. Ils ont quand même un tout petit peu d'espace. En tout cas, à l'époque où j'y étais. Maintenant, je sais. C'est le 4 étoiles de la SPA en France. Ouais, 4 étoiles, peut-être pas. Ça reste des chiens abandonnés et bien souvent tabassés par des alcoolos. Ils sont un peu Autun. Oh, t'es bête. Allez. Je vais te tabasser. Est-ce que vous les laviez? Oui. Est-ce que tu as ramassé le caca? Bien sûr. Parce que nous, elle puait bien. Ouais. Quand elle est D'accord. Après, c'est peut-être le vol aussi, parce qu'elle s'est peut-être un peu urinée dessus. Le jet lag. Mais quand même, on l'a lavé 12 une fois. Heures, 12 heures. Plus encore. La laine est horrible. Attendez, la peur sent très fort. un chien qui va flipper sans rire, ça, l'hormone là, un peu comme du muscle, sébum. Tu vois. Ouais, non, mais ouais. C'est comme cette espèce ouais. de sueur possible, terrible peut-être, là. Peut-être. Ou peut-être quoi. Alors moi, ça m'est arrivé. Peut-être que c'est ces glandes anales qui ont été vidées. Ouais. Moi, en fait, j'étais. C'est arrivé à Stéphane. Je prenais le train avec mon chien. Et en fait, du coup, elle était sur moi et je la remets un peu, tu vois, sur moi. Puis je fais pas très attention et peut-être il s'avère que j'ai dû un peu lui squeezer le bazar. Squeezer first. Et du coup, tu vois, je la remets bien sur moi. Et là, cacatof. Et là, ben non, mais là, c'est dans les fesses. C'est pas, ça sent pas le caca, ça sent la mort. C'est-à-dire que vraiment, tu... Stéphane a eu ça. Il y a eu un moment où tu respires et tu dis, mais qu'est-ce qu'il sent comme ça? Et je tourne la tête, je me dis, oh, la dame à côté, elle a fait un truc. Vraiment, c'est pas cool. Et là, l'odeur... Cette dame a une glande anale. Et là, l'odeur... Mais je connaissais pas au départ cette histoire de glande anale. Et là, le temps passe et je me dis, putain, mais l'odeur est quand même très proche de moi. Et je recule en plus, comme c'est entre ça un tes peu. Jambes, donc tu fais, c'est... oh merde. Est-ce oh que non. c'est pas encore moi le bruit marron, le bruit marron. Oh non. Et là, en fait, je vois sur mon pull qu'il y a des petites taches et je fais la grossière erreur de sentir. De lécher. Ça, c'était une très grossière erreur. Lucino Bono. Je sens, et là, au moment où je sens, tu as un geste de réaction, de protection qui fait genre, non, tu lâches tout de suite ton pull. Et tu le brûles. Et je suis allée aux toilettes, j'ai essayé de laver le truc et tout, mais non, en fait, l'odeur reste imprégnée. C'est comme les putois, en fait. Et bah oui, il y a un peu. Mais tu dois en les fait, vider. Tu dois les vider de temps en temps. Vétos, sache-le aussi horrible. Pour Francky. En fait, attendez, mais pas tous les chiens. En gros, c'est du jus de caca. Mais pas tous les tu chiens. Tu vois ton non, jus de caca. Mais ça arrive, Stéphane. Si, c'est tous les chiens. C'est tous les chiens qui ont ça, qui ont leur glande anale, sauf que en général, soit ils se les vident tout seuls. Ça, c'est tout seul. Parfois, tu dois les vider et tu dois appuyer dessus. Oh bah non merci. Mais le veto le fait. Non merci. Le faire le veto. Ouais, le veto peut le faire. Dégueulasse. C'est horrible. Et ça m'est arrivé deux fois. Elle a la glande anale extrêmement mais fragile. C'est la première la fois que j'entends ça. C'est extrêmement. Ouais. Et c'est une odeur, tu t'en rappelles. Stéphane, mais t'as vidé les glandes anales de Stéphane. Des gilets jaunes qui prennent leurs chiens qui ont des problèmes de glandes anales. Ils orientent le cucu vers les CRS et ils vident. Ça peut partir très loin. Ça peut partir à 20 mètres. C'est terrifiant. Et c'est dégueulasse. Non mais l'horreur. Bah Mimi, viens voir. Je fais. Non. Je vais vous faire sentir, c'est trop con, oui. Le chien est là. Ce serait dommage de pas en profiter. Moi j'ai une petite anecdote. Quand on faisait la blague de sentir ou lécher le pull, j'ai un pote, je ne pourrais pas dire son nom. C'est Bat. Baptiste Lorbert. Non, c'est pas lui. Il était chez lui et il venait d'avoir un enfant qui était né, donc qui avait des couches, tout ça. Et il était sur le bar de sa cuisine. Et il voit un bar. Un petit bar. Et il voit un petit truc marron, tu sais, à côté du pain. Il y a un peu tout sur le bar. Merde. Et là, il fait comme. Ça peut tous nous arriver. Tu vois, il prend le truc, il fait tiens, du chocolat. Il fait ça. Oh non. C'est de la merde. Et en fait, c'était du caca. De son bébé. Parce qu'il y avait une couche. Il s'est fait caca-tauvé par son bébé. Ouais. Il y avait une couche qui traînait. Et en fait, il avait vraiment eu le réflexe. Après, son bébé, c'était Fire Rider. Au lieu de sentir, il a vraiment. Donc, il a mangé la merde de son fils. C'est après, quelle belle preuve d'amour. Voilà. Il s'est lavé les dents 6 fois d'affilée, il m'a dit que c'était horrible. Bah moi je me ferais dégueulasse. Il pourra le dire à Sté quand il sera ado, le gamin. Fait écoute, j'ai mangé ta merde. J'ai mangé ta merde. D'accord, donc un peu de respect. L'enfer. Toi, donc Audrey, il y a eu Mila qui est arrivée dans ta vie. Oui, Mimi. Comment ça s'est passé? On m'a fait ce qu'il ne faut mieux pas faire. C'est qu'on me l'a offerte pour mon anniversaire et donc je ne savais pas que j'allais avoir un chien. Un enfant dans le dos. On est d'accord que ça se fait pas quand même d'offrir un animal. Bah, si tu sais pas. Sauf si c'est une demande de quota et tout. Mais... Voilà. Bah, justement, alors je reviens à toi dans deux secondes, Audrey. Mais Adrien, par exemple, si toi, parce que t'as fait longtemps que t'en parlais, si d'un seul, ta meuf te dit bah écoute, j'ai pris un chien, c'est la surprise de ton anniversaire, vu que ça faisait longtemps que t'en parlais, ça aurait pu te faire chier. Bah, à la manière du pote de Gaël. Non mais t'as un peu envie de choisir le moment. Bah oui. Non mais puis choisir l'animal, voir la petite connexion. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh. Ah oui d'accord. Toi tu savais pas, tu savais pas la gueule qu'elle avait. Ah non. C'était pas genre on va chercher un chien, tu vas le choisir ou un truc comme ça. Ouais non. Ah pardon. Il était dans une boîte et tout. Non j'étais. Et même la race. Ah rien. Rien. Rien. J'étais une pote à qui on a fait ça, elle a refusé le chien. Et bah et elle l'a tué. Non elle a pas été. Elle a dit je suis désolée, je le prends pas. Elle l'a enterrée vivante devant tous les invités. En fait, elle était tellement mignonne que. Et puis, si tu veux, dans l'idée. Enfin, oui, je voulais de toute façon un chien et j'avais vraiment ce truc de me dire oui, j'adorerais avoir un chien. Mais bon, tu vois, t'adorerais avoir un chien, j'adorerais avoir une maison à la campagne, j'adorerais avoir un cheval, ouais. J'adorerais avoir un petit ami, une vie convenable. Tu vois, il y a plein de choses que j'aimerais avoir. Avez-vous entendu ? Ça va. Bah, bof, du coup, je veux pas te mentir, ouais. c'est pas la frite. Ouais, bon, bah, t'as non, un chien déjà. Je comprends. J'ai un chien. Mais je comprends qu'on puisse refuser. Mais ouais. Mais vaut mieux refuser. Et puis c'est si tu le sens pas, il faut absolument. Ah oui, si tu le sens pas, oui, bah oui. Non mais là si tu veux, moi je me suis dit genre oh! Et il y a la vidéo de ce moment où on m'offre un chien parce qu'il filmait en même temps et on voit, je te jure, on voit dans mon regard le je suis terrifiée et en même temps elle est incroyable, elle était trop, elle est pas très grande, elle fait moins de 5 kilos. Elle nous écoute. Hein. T'as vécu ce qu'a vécu ma mère à ma naissance. J'en ai pas tellement envie, mais bon. Les règles sont très en retard, voilà. C'est quand je suis arrivée. Et du coup, ouais, voilà, elle est restée. J'ai pas pu dire non. Et en fait, c'était fou. La fin intérieure est très mignonne, Audrey. Non, mais ce qui est fou, c'est que je me suis. C'est un peu déprimant. Non, parce que je me suis même Adrien pas. Adrien est primé, regardez. Je me suis même pas. T'imagines parler de ton propre enfant. Mais non, mais l'éventualité de refuser ne m'a même pas traversé l'esprit. Ouais. Il y avait pas cette option là dans ma tête. Ah oui. Bon, c'est le coup de foudre. Il y avait une sorte de t'es responsable. Ok, je suis responsable. Je n'ai pas vu le non possible. C'est fou. Voilà, maintenant prenez un petit temps pour vous. Allez boire un thé. Non, non, mais c'est quand même. Mais aujourd'hui, t'as dormi là et c'est ton. Voilà. Mais si ça se. Si aujourd'hui, t'avais refaire, pas de chien, ouais. Non, si c'était aujourd'hui à refaire, je dirais non. D'accord. Parce que. T'appellerais deuxième chance, tu dis j'ai un petit gars pour non. vous. Alors non, voilà, c'est ça. Non, par contre, le truc, c'est ça. C'est qu'une fois que je l'ai, et c'est très dur parce que mon chien a un problème de. On a un problème toutes les deux. Alors, mon chien et moi, on est vraiment. Non, mais vous êtes comme ça. Non, mais c'est vrai. On est extrêmement liés toutes les deux. Mais elle ne peut pas rester toute seule du tout. Donc, ce qui fait que quand je m'absente, elle aboie. Elle hurle. Merde. Enfin, c'est pas elle aboie. Elle hurle et elle se fait saigner les pattes. Ah, yes. Elle a un gros problème d'attachement. Et. Bah, elle est folle pour moi, tu me regardes. Pour moi, c'est une émo. Elle est fan d'Evanescence. Et j'en suis. Et je suis tuteur. Responsable. Elle écoute Portiched. Non, mais tu vois, je suis responsable de ça aussi. Je sais, ça vient de la race et ça vient de moi fatalement. T'as pas essayé de l'amener chez un comportementaliste Audrey pour chien essayé. Et tout. À ton avis, est-ce que tu as essayé? Non, mais j'ai essayé Fabienne. Bah, Fabienne qui habite en Suisse, Fabienne qui communique avec les animaux. Et Fabienne. Oh. Qui a communiqué avec les animaux Fabienne par télépathie. Fabienne qui t'a volé de l'argent. Et un truc pas de débilos. Et Fabienne qui a commencé. Un nouveau sac l'ancien. Attendez, mais je pense. Attendez, parce que je pense Flambant que je peux vous retrouver peut-être. Fabienne le... qui a 4-5 prénoms en vrai. Je peux vous J'avais retrouver le message de Mila. Parce que du coup, ah oui, c'est vrai qu'elle traduisait ton chien son site à la pensée des chiens. Mais oui, attendez. Fabienne. Il n'a jamais payé d'impôts, Fabienne. Elle est où, Fabienne? Bah, en Suisse. Un truc pas de débilos. Suspendu. Essayé, ou... Est-ce qu'on peut faire une petite chanson du coup le temps que tu cherches? Fabienne escroque les gens, elle aime bien arnaquer. Bon, je retrouverai ça. Une vraie voleuse. L'argent des gens qui ont des problèmes. Je ne retrouve pas. Pourquoi je ne retrouve pas? Mon chien va mal. Je vais appeler Fabienne. Alors moi, je peux témoigner que j'ai entendu le message de Fabienne et c'était du genre: je n'ai pas eu l'attention nécessaire dans la portée. Quand j'étais bébé. Oui, elle a cette voix-là. Je reproduis et c'était. Et elle commence comme ça en disant: Ouyouyouy, Fabienne, si tu viens me voir, c'est que c'est grave. Et elle commence vraiment elle comme ça. Mais ce qui était tragique, c'est que quand Fabienne me dit tout ce que mon chien lui a dit au téléphone, moi, au téléphone. Je me suis. C'était non, au téléphone. Moi, avec moi. Au et puis elle appelait en PCV en plus. Donc elle est au téléphone avec moi, elle me lit le message de Mila et. Quand elle me lit le message de Mila, je m'effondre en larmes. C'est-à-dire qu'on a parlé de mon père, on a parlé et il oui, y a eu bon. Un truc. Ouais, non mais c'était horrible parce que en fait c'était ça mobilisait un vrai trop truc. De choses. Est-ce que t'as essayé un vrai truc et pas une débilos dans une cabane en bois? Et bah pas les petits prospectus qu'on a dans les boîtes aux lettres. Non, mais quelque terrible. Chose, un dresseur. Non, mais j'ai cru à Fabienne déjà. J'ose le dire. J'y crois encore. Et en fait les trucs par exemple ils disent ne dis pas au revoir à ton chien. Il faut pas dire. Mais ça, c'est du dressage. Hein. Voilà. C'est genre, bah ça, il faut pas exemple, ritualiser le départ. Et bah ça. Alors pour moi, c'est la oui. moindre des politesses pour moi. Mais ça, si je ne oui, dis moi, pas à mon chien. Je sers la papette chien. À Stéphane quand même. Quand je m'en vais, je sers la papette. On fait un petit check comme ça. Ciao, bro. Bonne journée, mon pote. Si je dis pas ça, à mon rituel. Chien que je m'en vais, elle panique. Donc déjà dans mon cas, oui, mais ça avec vient mon pas chien tout de suite. Ça ne marche pas. C'est non mais ça fait 3 ans, hein, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je vis ah, comme si j'avais un enfant. Mais bien sûr, j'ai tout essayé. C'est faux. Comme Laurent Ruquier. Je te jure. On a tout essayé. Oui. Non, franchement, après effectivement, là où t'as raison, c'est que peut-être que je n'ai pas assez essayé. Parce que t'as un travail et c'est difficile d'allier mais, les deux. Et voilà. Bien sûr. Et je peux pas ritualiser quelque chose alors que même moi dans ma vie il y a pas de cadre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est-à-dire que tu veux dire que ton chien est taré parce que. Ritualiser, taré. C'est genre, il faut oui. pas faire. Oh, je m'en vais, je reviens tout à l'heure. Ah non, non, moi, non. J'ai, t'imites dans les... une femme, là, c'est ça ? J'imitais moi. Parce que si on me voyait quand je suis tout seul avec mon chien, ce serait vraiment la honte. Oh, non, je préfère qu'il y ait des photos de moi à poil qui leak que des vidéos de moi tout seul avec mon chien. Parce pourquoi que chante... ça fait peur, hein, sorti de son contexte. Non, parce que je lui chante des petites chansons. Parce que je l'encule. C'est pas du tout. Tous les matins. Le petit rituel. Vous êtes cinglé ou quoi ? Je lui dis pas au revoir, mais je l'encule. Mais non. Oh là là. Elle claque la porte. Vous êtes dégueulasse. Déjà, elle a un vagin, donc pourquoi je l'enculerais ? Parce que t'es un enculeur. Ah. Ouais, t'es un enculeur, tout le monde le sait, ça va. Pas du tout, figurez-vous. Ouais. Je suis pas du tout un enculeur. T'encules ton technique chien. Technique de dressage. Ça va loin, ça va trop loin. Je l'encule. Bah c'est eux là qui me... Bah tu peux bien. Quand problème. Je m'en vais, elle fait, elle vas-y. Pisse sur le lit, je l'encule. Elle a pas le droit d'aller dans la chambre. Hein. Elle mange le fauteuil, je l'encule. Je veux dire qu'après elle le fait plus. Hein. Bah, t'avais juste envie d'enculer ton chien alors. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est elle, vrai. Elle me regarde genre bah j'encule. Les oreilles un peu. Allez. J'encule. Non mais. C'est pour dire que je suis ridicule avec mon chien. Mais moi aussi je suis ridicule. Je lui chante des chansons. Oh, ça tu l'encules. Bon, ça va. Ça va s'arrêter. Ça. Ah, il est pétillant le Liptonique. Bah, je vais en prendre un peu. Tiens, je vais me chercher la verre, je vais en prendre un peu aussi. Bah, moi j'adore Fabienne en tout cas. Mais attendez, non, en vrai, j'ai retrouvé le message. Je vais essayer de jamais mais du coup, j'ai jamais vu de Liptonique. Je crois, ouais. C'était ma boisson préférée quand j'étais petit. Moi j'ai une question quand même pour Audrey. Les amis, vous parlez de Liptonique alors qu'on n'a même pas l'argent de leur père. De leur part, pardon. Audrey, moi j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce qu'elle a vraiment pris une petite voix pour faire genre c'est le chien qui non, parlait? Mais oui, c'est pour ça. Putain. Ah, mais attends, t'as un message vocal? T'en as un oui. là? Mais non. Mais c'est parce ça. En fait, ça serait... elle me l'a. Oh bordel. Mais tu sais qu'on peut faire une elle recherche. Elle a pas pris une petite voix, mais pas... elle prenait une voix. Je l'ai un pas peu. Trouvée comme ça. Elle t'a pas écrit une voix genre je parle comme ça. Elle imite Johnny. Bonjour. Elle t'a pas écrit voici un message de Mila, machin? Non, elle parlait. Elle non, parlait mais, en sur WhatsApp. C'est pas toi que je parle, Justine. C'est pour retrouver son. Parce qu'elle essaie de retrouver le truc. Non. Mais donc en cherchant par mots clés. J'ai essayé par mots clés, mais ça a pas marché. C'était avant. Sur WhatsApp, Audrey. Je m'en souviens. Ça, je sais. De Damoclé. Je suis dessus. Oh. Il fait des story gueules pendant qu'on. Pendant et qu'on c'était. Attends, et Justine, moi, je vais essayer de faire avancer cette émission quand même. Oui. Justine, est-ce que toi, je sais que tu. Pas terrible le tonique. Oh là là. Je sais que mais tu vous... meurs d'envie d'avoir un petit chien. Oui. Qu'est-ce qui t'en empêche? Alors, Adrien c'est... qui gerbe déjà. Adrien vomit à ma gauche. Ce qui m'en empêche, c'est que j'habite à Paris. Ouais. Et qu'il y a un vrai argument. Et que voilà, et que c'est la seule et unique chose, et que avoir un chien à Paris, bah, ça veut dire pas de jardin et c'est très galère. Ouais. Voilà, manque d'espace, manque de. J'ai du coup, problème. Je garde énormément les chiens et les chats des gens. Oui, t'es trouvé. Sauf que moi, personne veut garder mon chien. Parce qu'elle aboie tout le temps. Un petite Mila. À ta boîte. Si elle se fait saigner les pattes dans l'appart, impossible de récupérer pas avec son même, petit cutter. Regarde son petit cutter. Attendez. Il y a Audrey qui a retrouvé le message. Attends, je peux peut-être mettre le casque sur les oreilles de Mila pour qu'elle s'entende elle-même, du coup. C'est génial. Vous êtes prêts? Ah, on écoute. Donc, voici la communication d'Audrey de Mila qui dit « Ah, salut, aïe, tu viens vers moi. C'est que c'est grave. Bon, par quoi commencer ? Oui, c'est vrai, je suis une petite qui ne supporte pas la solitude. J'ai l'impression de me sentir rejetée pendant ces moments-là, un peu comme quand ma maman s'occupait des autres et me laissait seule. » Ah, vous avez vu que ça vous rend triste? Pas du je tout. Je ne me sentais pas inclus. Moi, ça me rend un peu triste. Dans la meute. Moi, ça me rend triste. Moi, ça me rend triste. Il fallait toujours être cocolé, choyé. Et je n'ai pas reçu toute l'attention et l'amour dont j'aurais eu besoin à ce moment-là. Comme livrée à moi-même, ce qui ne m'aide pas, tu comprends, je ne sais pas comment m'occuper seule. Je me retrouve face à mes peurs, Ma blessure de la séparation est vive. Et je ne sais pas comment faire, à part t'appeler pour que tu m'entendes et reviennes au plus vite. C'est comme si une partie de moi est vide. Et du coup, j'existe à travers toi. La concordance du temps est alors tu peux comprendre que tes absences me renvoient à ce vide. Faut savoir que mon chien mange la merde de chat. Je suis extrêmement fière d'elle. Non mais tu vois, ouais, elle mange bien. Du ouais. caca de chat et parallèlement elle parle comme elle ça. Elle s'exprime très bien, ouais. Comme quoi hein. Après il y a 7 minutes les gars, je vais peut-être pas. Non, c'est peut-être un peu long. J'adore tellement notre vie et nos escapades. C'est vrai qu'on s'entend bien. Non mais c'est vraiment oui bon. Sachant qu'elle a interprété juste un seul non c'est par non, télépathie ah oui pardon je lui ai juste donné et par contre ce qui était terrifiant c'est que est-ce que t'es prête à nous pardon je t'ai coupé la parole oh, je crois qu'on a la même question oui vas-y oui. Non, mais... je sais pas quelle est votre question mais je me dis quelle va être ma réponse non vas-y. Du coup par contre il y avait mon chien était genre un peu pendant 3-4 jours d'un seul coup elle marchait elle s'arrêtait et elle s'asseyait. Et ça, c'était un peu bizarre. Et je me suis dit, Fabienne m'a abîmé mon chien. Cette conne. Elle m'a coûté 120 francs suisses, deux pchites. Ah. Attendez, parce que j'ai deux pchites. C'était la question. J'ai deux pchites qui allaient avec la consultation. Des pchites. Des pchites. Du desktop. Comment t'appelles ça des élixirs, genre. Ah bah bien sûr, voilà, évidemment. Et bah. J'avais cire anti solitude de chien. Ouais, en fait j'avais allez. Cours la nuit rêve elfique. La potion il magique. Il fallait quoi. Que je me pchite moi et que je pchite mon chien. Et pour la journée, réconfort. Sachez une chose, c'est que réconfort sent extrêmement bon. Et je pense rappeler Fabienne juste pour le petit pchit. Mais appelons-la en direct. Mais d'ailleurs, elle est avec nous puisqu'elle est en pleine télépathie et qu'elle communique actuellement. Bah, là, elle est en train de. Là, ouais. Mila est en train d'envoyer des messages par télépathie à Fabienne. Oui, je moque de toi. Vu comment t'es avec mon chien, toi, t'es en train de l'enculer en même temps. Oh, ben, là, vous salissez tout. Bah, c'est toi qui salis le chien, là. Ah ouais, avec ma bite. Vous avez quel âge? Dans son trou du cul. C'était ça notre question, c'était 120 francs suisses. 125, ouais, peut-être 140. Ça fait combien en euros? Là, c'est 1 milliard d'euros. Vous avez payé une fois, plusieurs fois? Attends, je peux faire j'ai payé calcul. En une fois. J'ai payé en une fois. C'est dire et si t'étais désespéré quand même. Hein. Mais riez. Peut-être mais insulte-la directement. Maintenant ça va mieux, non, mais je compatis à ça. Maintenant j'ai trouvé une nounou. Donc en fait, mon chien a une nounou le soir quand je sors. Bon, pas là parce qu'elle a ses chaleurs. C'était ça qu'il fallait faire dès le début. Comme un gamin. 110 euros. 100, ouais. 125 ouais, francs c'est suisses. Trop, voilà. C'est trop. Ouais. 110 euros. Ouais, mais attends, ouais. J'ai les deux pchites avec. Hein. Ah, bah ça va alors. Donc, ça va. C'est des huiles essentielles. Et avec une de bonne l'eau. Histoire à raconter. Le message est ouais, pas c'était bien. C'était bien. Franchement, c'était vous cool. Vous savez quoi, je vous le transfère. C'est très gentil. Bah, yes. Sympa. Yeah, toi, t'as eu un petit chien aussi. Enfin, tu as toujours un chien, mais qui ne vit plus à Paris. Oui. Tu l'as donné à quelqu'un de ta famille. Il s'appelle Stéphane, c'est un mignon petit toutou. Oui, bien sûr. Je l'ai jamais vu. Oh, tu pourrais faire écouter la. Il s'appelle Stéphane. Il a fait une chanson je pour son sais, chien. Je sais, on pourrait peut-être la diffuser à la fin du podcast. T'as fait à la une fin chanson du podcast, pour on met toujours une chanson à Gaël. Je peux la retrouver très facilement parce qu'on me l'a renvoyé il y a pas longtemps. Bah, tu pourras me l'envoyer et je la mettrai à la fin du podcast. Alors, on peut pas l'écouter là, un petit bon, alors, on peut utiliser un petit extrait Stéphane ici. Stéphane est un peu mon filleul, alors je suis émue qu'on ait fait une chanson pour lui. C'est quoi comme race d'ailleurs, Stéphane? C'est un bulldog français. Et il va avoir 3 ans et ça va faire donc 2 ans. Non, il a eu 3 ans. Il a eu 3 ans en février. Il a eu 3 Justine ans. Justine connaît mieux le chien. Oui, je sais. Elle a vraiment gardé 6 mois d'affilée. Quoi. Justine et, non, et justement, c'est tout ce truc de Paris, de tout ça. Pareil, moi, vu que ma mère l'a gardé pendant un moment quand j'ai eu un accident terrible il y a 2 ans. Le scooter. On va le savoir. Il y a un an même. Et les gens le savent pas en plus. Oui. En fait, les gens ne le savent pas. Personne ne le savent pas. Moi, j'ai mal aux dents et j'en fais pas. T'en as parlé un peu. Ça va. Et du coup, non. C'est juste. Je me dis, il est bien plus heureux là-bas. Voilà. Oui, bah il a de l'espace. Il va à la plage, à la montagne. Il y a toute ma famille. Tes parents qui s'éclatent avec lui. Oui, il y a des retraités dans ta famille. Il y a ma mère. Ma mère. Voilà. Donc elle est tout le temps avec le petit chien. Et est-ce que ta mère serait intéressée pour prendre un autre chien? Non. Mais un chien qui est télépathe. Hein, donc. Ouais, oui. Mais après il a une très belle plume aussi. Qui est très. Ouais, il arrive à s'exprimer. Il arrive à exprimer ses émotions. Quand elle écrit des lettres, elle a la plume de Booba. Tu veux dire que Diams pourrait se mettre en couple avec? Ouais, complètement. Un mec mortel. Mais en même temps, enfin, la plume qu'elle a. Concorde avec le fait de se tailler les veines. Enfin, pour moi, c'est vraiment un adolescent, oui, un problème. Ouais, c'est... Pour moi, elle écoute Indochine. Pour moi, ah, elle j'ai retrouvé. Attention. Il s'appelle Stéphane, c'est un mignon petit toutou. Il est malicieux et un peu foufou. C'est Stéphane. C'est un mignon petit toutou. Voilà. Ça dure 15 minutes, donc on va pas. Quelle belle composition. Il faut faire des chansons. C'est super. Ouais, je l'aime beaucoup. Peut-être que tu faisais des... si tu faisais une chanson pour Mila, tu la mets pendant que t'es pas là et ça. Non mais vous savez quoi, ce serait du dance metal. On progresse vachement toutes les deux. S'appelle Francky. Elle m'apprend beaucoup. Ouais, ça suffit. Ça fait pas rien du tout. Que moi on dise que j'encule et tout, d'accord, mais là. C'est mon chien tranquille. La tournure que ça prend. Que t'encules des chiens, pourquoi pas. Mais pas ton chien. Voilà, ça c'est dégueulasse. Ouais, bah alors évitons de dire ça vraiment quand il a mon chien sur les joues. Ok. Écoutez, elle est calme pour la première fois de la soirée. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, elle est calme. Vous trouvez pas qu'elle est plus calme? Non, sans rire, attendez. Vous trouvez pas qu'elle est plus calme qu'avant? Non. Non, si on applaudit, elle va se couper. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Non, mais c'est parce que évidemment ça fait du bruit. Peut-être ses oreilles, elle est sensible au bruit. Bon. Oui, bon, bah, peut-être. Tout le monde à Fabienne. On peut rien dire. Tout le monde à Fabienne. Ça, elle progresse, moi. J'ai je vous le dis, vous ne le voyez pas, mais. Mais si, mais elle ça progresse, se voit. On fait un petit virement des... 300 mais c'est euros très difficile à Fabienne de... et on lui demande. C'est très difficile de dresser un chien. Elle renvoie un message qui dit je suis calme. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je vais mieux, merci. Voilà. Ça va. Peut-être faire une deuxième séance. Non, mais les chiens qui aboient quand on frappe, c'est très quel âge commun parce quand que même. C'est jusqu'à 2 ans en général qui sont hyper surexcités. Après, au bout de 2 ans, j'ai remarqué. Ça retombe un peu. Ça retombe un peu. Stéphane, ouais. C'était ça. Il était foufou. C'était un mignon petit toutou, très foufou. Bah après, ils se font off. Est-ce que ça vaut non, le mais c'est vrai, ça. Tu vois vraiment la diff à 1 an et demi, 2 ans. Après, c'est vrai que. Voilà, c'est moins. C'est... Ça va vers la mort, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Il est en train de se faire l'idée. Non, ouais. Ils sont sages. Ils sont plus sages. Il se dit, mais je vais crever. Voilà, oui, c'est mais moi, ça. Le problème. Mais moi, elle est sage. À part les applaudissements. Un petit peu déprimé pendant 10 ans, je vais crever. Je vais me laisser aller, je vais m'endormir. C'est tout toute seule. Oh, je m'étouffe. Ouais, je m'étouffe. Il y a eu des chats ou pas autour de la table? Oui. Oui. Ouais, parce que moi, tu sais, j'étais plus. Alors, team chat. Il y a deux teams, hein, mais moi ici, on n'est pas comme ça, d'accord? Hein, c'est pas la maison. Squeezie first. Quand même. Squeezie first. C'est bien de le dire. Peut-être le seul truc où voilà, il y a parti. Après, il y a nous. Ouais. Voilà, on peut parler. C'est ça. Mais moi j'étais pas très chat. Parce que pour le coup j'ai eu plein de chats dans ma vie. Mais c'était la campagne. Pas très chacasse. La chanteuse. Moi j'étais sur pas très chabessien. Wow. Mais pas très chacasse marche beaucoup. Ça va très vite dans leur tête, hein. Bah, parce qu'il y avait ça n'arrête pas, pas très chabal mais ouais, bon. Mais non elle s'appelle pas Patricia Chabal. Alors que pas très chacasse. Patricia ah, casse. Oui. Oh putain je l'avais pas. Bah, j'ai le chat mais c'est tout. Ouais non c'est là où il est très fort. Trop de liptonique ce soir. Trop de liptonique. Et donc moi j'ai grandi qu'avec des chats quasiment pour le coup, qui étaient des chats sauvages en fait, qui traînaient. Élevés par des chats sauvages. Et j'ai pas élevé par des chats sauvages. Et du coup, j'étais pas très chat parce qu'en fait, c'est des chats qui vraiment n'aimaient pas être qui n'aimaient pas être caressés, qui n'aimaient. Te sautent à la gorge. Non mais vraiment. À la moindre occasion. Et moi, avec mes parents qui disent, bah l'approche pas trop parce que si il te griffe, tu vas sûrement choper des maladies. Donc il y avait un rapport au chat où tu prends un peu tes distances. Et alors maintenant, j'ai un petit chat. Parce que c'était mon chat. C'est vrai que t'as un chat. C'est vrai, il est. Où est-il? Là, on l'a enfermé dans le bureau parce que, comme tu peux voir, Mila, des fois, est un petit peu agacée par des bruits. Et mon chat est un peu un sale con qui vient. Lui crier à la gueule. S'approcher comme si de rien n'était et qui feule. Voilà. Qui fait des petits. Voilà, exactement. Ah, il y a Adrien qui va balancer le chien vers mon chat. Attention à ses glandes anales. Non, c'est vrai, tu crois? Ça peut couler très très vite. Ça peut péter? Tu vois là où t'as mis ta main? Et ben, typiquement, c'est là où il y avait la mienne. Donc, va pas y fourrer ta bite. Donc, le chat, j'étais pas très chat. Tiens-toi. Et en fait, j'ai là au début, ce qui sonne vraiment comme une arnaque, hein, totale, c'était le chat de la coloc de ma meuf, d'accord? Oui. Oh. Et ensuite, ma meuf s'est mise en couple avec moi. Un bar. Et on s'est mis à vivre ensemble. Et sa colocataire s'est mise à vivre avec son chum. Mais son chum était allergique au chat. Ah oui, bien du sûr. Du coup, on a récupéré le chat parce que quand il avait grandi dans la coloc. Et aujourd'hui, je dois bien le dire, alors que j'étais pas spécialement à donf sur le chat, j'ai du mal à m'en défaire et c'est. Il fait partie de toutes tes stories Instagram. Ça y est, je suis devenu cette personne parce que je bouge pas beaucoup de chez moi. Pour mon plus grand bonheur. Oui, oui, non, mais je sais. J'ai vu le hashtag le chat de Flo. j'ai vu que les gens ont commencé à être un petit peu agacés. Pour ma défense, il est extrêmement mignon, d'accord. Très mignon. Il a des bonnes patounes. Il est peut-être. Dites-moi sur Twitter, peut-être je lui créerai un compte pour que j'arrête de polluer mon propre compte. Je le follow direct. Voilà, comme ça, j'arrêterai de polluer les internets. Mais je voulais dire d'ailleurs que la première fois que j'avais parlé de Francky dans le podcast, je disais que j'étais outré que les gens ne s'arrêtent pas dans la rue pour l'admirer parce qu'elle était mignonne. Ouais. Il faut savoir que quand on l'a ramené la deuxième fois à la clinique vétérinaire, la meuf de l'accueil, elle s'est levée et elle est allée chercher les infirmières pour les prévenir que Francky était là, pour qu'elles viennent leur faire des câlins. Oh là parce là. Qu'elle, c'est trop mignon. Parce qu'elles adoraient Francky. Voilà. Donc c'est bon. Moi, je suis content. Bah, moi, j'ai mon chat, par exemple, pareil, les gens sont assez. Ils aiment bien le câliner quand même. Il y a une espèce de truc. Pas dans la rue, parce que je me balade pas avec mon chat dans la rue, parce que je suis pas quelqu'un de fou. Je pense qu'il y a que les fous qui font ça. J'ai vu une dame, moi. J'ai croisé une dame, ouais, moi. Probablement folle. C'était Fabienne. C'était tout simplement Fabienne. Elle était nue avec un chat en laisse. Autour du cou. Elle lui parlait. En écharpe. Mais il faut savoir, parce que je lis beaucoup que genre les chats, ils sont hautains, ils prennent de haut, machin et tout. On y revient. Et en fait, bien dressé, un chat peut être tout à fait aussi câlin et gentil qu'un petit chien. Mais bien sûr, il y a des chats. Alors, qu'est-ce que tu appelles bien dressé ? Comment t'as fait ? Alors, moi, il est pas si bien. Moi, j'ai vu là des vidéos récemment où genre les chats donnent la patte et s'assoient. Donc moi, j'en suis clairement pas là. Mais elle fait des déjà quand on l'appelle, elle vient, ce qui est quand même un peu fou. C'est rare. Ouais. Et surtout que quand c'est moi. C'est-à-dire que pas quand c'est d'autres gens. Quand des gens l'appellent, elle vient pas, mais quand c'est moi, elle vient tout de suite. Et quand c'est ta meuf ? Si, ça va aussi. Parce elle que, vient. Ouais, mais moins vite. Parce que moi, je suis auteur, donc je bouge pas beaucoup mais de l'appartement. Toute la donc, journée avec ouais, elle, c'est ouais. Ça. Donc il y a un synonyme. Je pense que t'as un handicap. Ouais, du coup, ouais, elle c'est ça. La je pense qu'elle a une petite pitié. Ouais, voilà. Une petite pitié. Et puis accessoirement, je la nourris et puis je lui change sa merde. Enfin, je pense qu'il y a des trucs qui créent des liens, hein, tout simplement. Ouais. Et elle fait des petites roulades quand elle a chié, et ça, je trouve ça trop mignon. Oh et quand je rentre aussi, quand je rentre de la maison, elle est tout le temps à la porte quand elle m'entend rentrer et elle fait des roulades sur elle-même pendant une minute. Mais c'est une fois tous les 6 mois. Non, tous les jours elle fait ça. Comme si elle était trop contente. C'est très bien que tu ne sors pas tous les jours de chez toi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, petit problème d'hygiène. J'avais un super chat, vraiment, qui était un amour de chat, et j'ai eu le chien, et l'arrivée du chien a tué le chat. Quoi ? Voilà. Et ouais, parce que le chat avait une maladie que seuls 2% des chats ont. Mais non ! Ouais. Et en fait, cette maladie est génétique, et ça va se libérer sous le stress. Et ça va venir te flinguer tes organes vitaux les uns après les autres. Ce qui fait que j'ai eu mon chien. 15 jours après, le chat ah ouais, était, radical quoi. Ouais, on allait. Alors, wow, ça me rappelle est-ce le film. Que le chat Yamalan, tu sais, quand avec les arbres qui pètent des phéromones pour tuer et les coup, gens les qui suicident. C'est pareil. C'est exactement ça. The Village, non ? Phénomène. Phénomène. Ouais. Pas du tout le même film. Village, j'ai vu aucun des deux, hein, pour info. C'est très sympa. J'ai phénomène. Bluffé. Très sympa. Bien mal t'en as pris. Ouais. Mais ça a raté. Il y a un peu ça dans The Village quand même. C'est des buis, mais ça, c'est ça aussi. Est-ce que vous avez eu des animaux, genre un petit peu moins, pas chien, pas chat ? Bah oui. Genre des rongeurs, des trucs comme oui, ça. Moi, j'ai eu un hamster, il a été mangé par le chien d'une invitée, une amie de ma mère. La violence de la mort de cet animal. C'est-à-dire que j'avais le hamster, il était genre dans le salon, je crois, un truc comme ça. Mais il est pas dans sa cage ? Calmos. Ouais, pardon. Excuse-moi, je me suis emporté. Et il était dans le salon, dans sa cage. D'accord. Ah. Et ma mère me dit, j'ai une amie qui vient, elle a un chien, descend le chat au sous-sol. Le chat. Le hamster. Non, mais c'est je peux me reprendre moi-même. Hein, pas besoin qu'on m'humilie. Oui, il bah, fait un effort quand même. Descend la gerbille. Hamster ou gerbille ? Non, le hamster. Descend le hamster. C'est une blague, okay, tout simplement. J'aurais dû prendre un animal plus j'aimerais éloigné. J'aimerais connaître la fin de l'histoire. Je descends la cage au sous-sol. Je la cage au folle. La cage au folle, ce sol. Bah oui, bah alors. Cacatoff. Squeezie voilà. First pour moi. Voilà. À mes yeux, Squeezie First. Donc ton chien Sheila. Et à un moment, je dis tiens, je vais aller voir comment se porte mon hamster. La cage au sol, ouverte, et quelques gouttes de sang. Et au bout des gouttes de sang, mon hamster mort. Oh, l'enflure de chien. J'ai même pas mangé. J'imagine Fabienne. J'imagine Fabienne. Bon là, apparemment, il a dit. Aïe. Il a dit non, casse-toi, non, ah, fais pas ton. Aïe, la cage, ah, oh putain, je me barre, secours, ah merde, m'aider. Il court plus vite que moi, ah, c'est terminé, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai fait les mauvais choix. Je suis deg. Et pas de seconde chance. Ouais, et en fait, ce bâtard de chien, il a croqué mon hamster et il l'a laissé là. Mort. Il l'a même pas avalé. Non, il l'a pas bouffé, il a vraiment grignoté. Non, il a joué avec pour le plaisir, c'est ce qu'on dit souvent. Et du coup, mais ça va parce que pour se faire pardonner, elle m'a offert une BD. Donc, elle m'a offert 13, la BD 13. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si c'était 13 ou Largo Winch, mais c'était vraiment. Pas de ton âge. De la merde à mes yeux. Et du coup, elle a dit. Prenez ça, Largo Winch. Elle a dit et à ma mère. Bah, je sais 27 pas, peut-être ans, 12 ans, genre, un truc comme ça, enfin j'en sais rien. Bon, j'étais très mature. Mais non, mais c'est juste que des trucs graphiquement, et puis ça me faisait chier. Enfin, c'est pas mon truc quoi. Ouais, c'était pas un bon gars, j'aimais quoi. Pas du tout aussi à cet âge. Voilà, non, mais même maintenant, ça m'attire pas du trop tout. Adultes. Bref. Trop chiant. Ouais, chiant, ouais, nul. Ouais. Et chier même. Et la merde. Elle a dit ah bah si ça lui plaît pas, vous pouvez changer et tout. J'ai dit oui. Et on a changé, j'ai pris une BD de Tronchet. Oh, je sais pas ce que c'est. Tronchet, c'est celui qui faisait Jean-Claude Tergal. Bien sûr. Info, voilà. Bien sûr. Et bah, c'était mieux. Voilà. Et quelqu'un d'autres animaux autour de la table? Tortue, moi. Ah, tortue aussi, ouais. Petite tortue de terre quand j'habitais dans une maison. Ah, avec non, un petit tortue, jardin. Petite tortue californienne qui meurt très vite là. Après, j'avais les petites tortues californiennes. Petit truc dans en l'eau, barbecue, là. Ouais. C'est un délice. T'as vraiment la carapace qui explose et le jus qui coule. Et cochon d'Inde. J'ai eu hamster, j'ai eu une copine qui avait un furet. Ah, une punk à chien qui avait des problèmes d'hygiène du coup. Insupportable. Ça pue, ouais. Souvent il y a des problèmes d'hygiène. Il me mangeait les doigts, il me faisait hyper mal, je saignais à chaque fois. Mais oui. Ça sent hyper fort comme un putois. Et la cage est souvent c'est énorme, très con. Beaucoup trop grosse. Oui. Non, il n'y avait pas ça. Ouais, j'étais allé chez des amis, il fait ouais, on a un furet, le truc faisait 16 mètres de haut. C'était vraiment, il y avait un immeuble pour le furet dans l'appart. Moi j'ai un ex qui avait un furet, il lui a bouffé les couilles. C'est pas une. Mais alors, bon, il s'était mis du beurre de cacahuète. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Oh, c'est je ça. Comprends pas, il m'a mordu. Il voulait vraiment encore. Hey. Il y a de la confiture sur ta bite. Il voulait le fourrer. Oh là là. Je crois qu'il était en caleçon et qu'il s'est penché, tu sais, pour aller voir la bête. Il avait des petites balles. Ah, c'est le furet qui a mangé les couilles de. Ah, bien sûr, j'ai compris l'inverse. Il a bouffé les couilles du furet. Faut les trouver, les petits coucous du furet. Ça, on dirait. On dirait les excuses des gens qui vont aux urgences avec un truc coincé dans le cul et qui disent ah bah écoutez je c'est incroyable je faisais mes courses vous allez rire tu penses que c'est ma ceinture s'est défaite et alors je suis tombé sur les carottes et puis alors la carotte est rentrée dans mes bon vous êtes mis une carotte dans le cul exactement parce que mon frère qui a travaillé aux urgences m'a il a vu une réplique en plus petit de la Coupe du monde oh coincé dans le rectum de quelqu'un dans le rectum oui. Oh merde. Bah on ramène la coupe à la maison. On a gagné. C'est génial. La coupe dans le fion. Et plus rare, il a aussi vu la vraie coupe du monde dans le cul d'un gars. Démé Jacquet. Non mais souvent ouais beaucoup de trucs coincés dans le cul quoi. Bien sûr. Mais c'est donc pas le furet hein, qui était dans le cul. Hein. Non. C'est vraiment. Ça, c'est Richard Gere. Non, mais vous connaissez cette légende urbaine sur Richard Gere ou pas? Qu'il a mis un hamster dans son cul? Ouais. Ouais, bien sûr. Quoi voilà. Ouais. Bah, c'était une légende urbaine que Richard Gere se mettait des hamsters dans le cul. Faut la lancer, celle-là, quand même. Ouais. Légende. Mais c'est ultra. ça, en fait, c'est très précis, quoi. C'est difficile. Oui. Et puis, même, t'as pas envie de nier parce que c'est ridicule, quoi. Mais il y a tout un passage là-dessus dans un des spectacles de Ricky Gervais. Où il en parle de ça et il dit mais évidemment que non. Mais bon, il y avait aussi un passage radio d'un gars qui avait foutu un hamster dans le cul d'un autre gars. Ah oui, ça a explosé. C'est dans les trucs de Darwin là. Tu on sais, a entendu les morts, parler quoi. De cette histoire. Qui a fait le buzz. Qui va être adapté d'ailleurs au Cinoche par les Frères d'Ardenne bientôt. Ça arrive à Cannes. C'est Cotillard qui joue le hamster. C'est bien. Ouais. Et donc bouffer les couilles par un furet. Oui, bah oui. Non, mais j'avais fini mon anecdote. Allez. Bouffer les c'est couilles juste par ça. Un furet. Et moi, j'y étais pas. Allez. Non. Tu laisses. Pardon. Est-ce qu'à la manière qu'un chien qui attaque un enfant, tu dois piquer le furet quand il bouffe les couilles? Ah, je pense pas. Non, ça va. Tu peux le garder. Tu lui fais une petite remontrance. Qu'il lâche prise. Tu lui fais une petite remontrance. Casser le cou comme ça. Ouais. Enfin, tu te défends. À minima, tu te défends quoi. Tu le décapsules. Un petit coup de pelle. Est-ce que ça compte quand c'est un animal mais que c'était pas le nôtre mais avec qui on avait beaucoup de liens? Bah oui, dis toujours. Moi j'avais un cheval. Ah oui. Qui était le cheval des voisins de chez mes grands-parents. Bien sûr. Super cheval. Genre une fois. Ah c'était son cheval. Non, c'était. Il avait une cape et tout. Non, c'est en plus. Il avait des lunettes la journée, il les enlevait. Super cheval. C'était regardez, c'est super cheval. Et elle s'appelait Nana. Et genre même une fois le mec qui montait Nana était tombé. Nana était revenue toute seule au village et avait amené les gens jusque là où il était tombé pour le sauver. Et du coup j'étais très très attachée à elle. Et bah paf, le voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a bouffé. Quoi? Comment? Ouais, parce qu'en fait c'était des c'était tellement abrupt. C'est arrivé vite. Ça va très vite. Mais quoi. C'est pour ça qu'il faut pas s'attacher en fait. En général, moi de mon côté, faut pas s'attacher. Pas aux animaux comestibles en tout cas. C'est vraiment très compliqué. Ils ont fait le cheval. Et bah, ouais, en fait, parce qu'on l'a dit après, c'était des chevaux qui allaient à l'abattoir. À l'abattoir. À l'abattoir. Ouais. Ils allaient à Baltar. Je vois où il s'est cassé la patte, ça part à Baltar pour moi. Ça va avec Jean-Louis. T'imagines, tu reviens, t'as 8 ans, tu dis alors, elle est où, Nana? Bah, Nana, elle est dans ton assiette. Nourris-toi. Tu vas la mettre en sec. Mais c'est assez effrayant quand t'es un enfant, un cheval. Moi, je le souviens. Enfin, pareil, campagne, donc il y avait des. J'ai une anecdote aussi là-dessus. Moi, je sais très vite, c'est juste. On donnait il y avait des pommiers et les chevaux à côté. Donc on leur donnait à main nue les pommes. Bien sûr. Mais c'est un cheval, c'est un gros porc en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Fait... Et à chaque fois, je me défonçais les doigts. Ça prend pas ses petits sabots pour prendre une petite fourchette. Une petite serviette autour du cou. Excuse-moi, en fait. Ils sont mal élevés. Mal élevés. Il a que ça, il a que ses dents. Ça a des grandes dents. Ça bah ouais, c'est dents. Assez dangereux. Oui. T'as quoi ton anecdote? Non, moi, c'est un très bon ami à moi de longue date. Sa sœur avait un chat. Et ils vivaient encore tous chez leurs parents et tout. Et à un moment, le chat, il avait disparu, donc ils le cherchent et tout, machin. Et pendant plusieurs jours. Voilà. Je ne me rappelle plus de l'histoire. Non, non, surtout, non, mais je ne me rappelle plus d'un truc, ça y est, je me rappelle. Et donc, au bout de quelques jours, il ne retrouve pas le chat, Et à un moment, la sœur de mon pote était au téléphone avec une copine. Et elle lui dit: ouais, bah là, mon chat. Je sais pas où il est, on le retrouve pas. Et son père lui dit: ah oui, elle est en terre au fond du jardin. Mais genre vraiment. Et en fait, le père l'avait retrouvé, l'avait enterré au fond du jardin et s'était dit: bon, faudra que je lui dise et tout. Enfin, je pense qu'il y avait un truc de genre, on va la ménager et tout. Il l'avait retrouvée morte en fait, quoi. Et en fait, il avait très mal géré le côté un peu ménager la meuf. Ah oui, ah oui, elle est en terre au fond du jardin. Voilà. Ça, c'est horrible. Peu de finesse. Un petit peu abrupt. Un peu. Bah, les morts d'animaux, enfin, moi je sais, il y a eu aussi les. Comment, enfin. Nous, on avait un voisin qui était accusé d'empoisonner des chats, quoi. Ah bah il oui. aimait pas qu'il y ait les chats qui aillent dans. Moi, j'y ai pensé quand Francky est tombé malade. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui empoisonne les animaux dans le quartier. Ouais. Je pars très vite dans des trucs assez. Infowars. Elle a 12 ans, rappelle-toi qu'elle a 12 ans. Ouais, c'est ça. Et moi, dans les animaux insolites, il y avait un émeu dans le pré. Alors, c'est une espèce d'autruche qui écoute. qui écoute, oui, c'est ça. qui écoute Kyo. Voilà. C'est une autruche qui écoute Kyo. Non, c'est un émeu, c'est une autruche, mais avec des espèces de poils. Très sensibles. Ah oui. Je sais pas si. Attends, je vais vous trouver une photo. Ce que c'est. Mais du coup, c'est assez impressionnant. Oui. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment une très grosse bestiole et puis ça a le regard vide. C'est un espèce d'oiseau. Et vous regarderez sur internet un émeu. Et un jour il s'est barré, l'émeu. C'est-à-dire qu'il est allé au-dessus de son enclos et donc l'émeu s'était barré. Et on s'est retrouvé face à l'émeu avec ma mère et un cousin. Et on était très impressionnés parce que ça a un très long cou et si ça t'attaque, ça peut vraiment te faire beaucoup de mal, quoi. Et le propriétaire qui s'est ramené, il lui a tranché la tête. Raconté, c'est horrible, mais non, il l'a chopé mais par la tête parce que sinon bah ça t'attaque en fait. Mais vraiment, c'était d'une espèce un cartoon en fait. Vu que c'est un très long cou, il te l'a soulevé à moitié avec son long cou et c'était vraiment extrêmement impressionnant. Bah oui. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qu'il foutait avec un émeu parce que ça se mange pas. À quoi pas. Ça sert? Oui, j'arrive pas à comprendre l'intérêt d'avoir ça chez soi en Bourgogne. L'objet, quoi. Il aimait mais ça. Mais d'autant comme que la Bourgogne objet. Est un des pires, enfin climatiquement parlant, pour les animaux. Ouais. Il fait extrêmement chaud l'été. Pour les animaux tropicaux, c'est parfait. Bourgogne. Putain, mais dans les anecdotes comme ça, c'est ma meuf. Elle a ramené sans faire exprès un petit lézard. Le chikungunya. un petit lézard, je sais plus d'où, qui était foutu dans sa valise. Un gecko. Mais non. Ouais, pas un gecko, un truc un peu moins célèbre. Mais c'était. Alors, une très grosse valise, il y a 7 geckos dedans. Tu fais balor barlou. Qu'est-ce que tu fais là? Dans sa trousse de toilette, quoi. Putain. Je suis désolé, je me suis paumé. Et du coup, elle voulait le garder parce que bah, qu'est-ce que t'en fais, tu sais qu'il va mourir si tu le laisses au jardin des plantes. Voilà. Et en fait, ça a fait dire. Non, mais voilà, c'est ce qui s'est passé justement. J'allais y venir. Donc, elle s'est dit, je vais essayer de le garder dans une espèce d'aquarium au chaud, machin et tout. Et le truc a commencé à changer de couleur flippant. Ouais. Genre, c'est devenu un super héros. Voilà, en non, de mais lézard. Voilà, il blanchissait. Je sais plus s'il blanchissait, mais en tout cas, c'était très coloré et il perdait ses couleurs, quoi. Et ils l'ont ramené au jardin des plantes. Et apparemment, il a vécu des jours très heureux. Non, je pense qu'il est vraiment très décédé. Mais il a vécu c'est des jours mignon. Heureux au jardin des plantes. Donc voilà, si vous avez très ça mignon. Qui vous arrive, un animal que vous retrouvez très dans votre valise. Moi, j'ai eu un scorpion dans ma chaussure. Ah oui, c'est vrai. Ouais, sympa. Ouch. Je l'ai pas ramené en Inde. J'étais en Inde et en fait. Il avait énormément plu, donc j'avais ramené mes chaussures. J'étais restée une semaine dans le même hôtel. Et au moment de faire ma valise pour rentrer en France, je me dis, tiens, je vais mettre mes chaussures dans un sac plastique au cas où ça pue. Le temps de me retourner et de chercher un sac plastique, ça a dû aller très vite. Il y avait un scorpion sur la Converse, je me souviens. et je sais comment je réagis. Du coup, donc, quand j'ai très très peur, j'ai fait un bond en arrière, je me suis tapé le mur et j'ai crié. Et j'ai vraiment crié. Mais Aline en plus, elle a crié pour qu'elle vienne. Et en fait, on a appelé le mec de l'hôtel en lui disant on a un scorpion dans la chambre, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il était là depuis une semaine. Et on se baladait pieds nus dans la chambre et tout. Enfin, le truc, visiblement, en plus, ces bêtes-là adorent se mettre dans les pompes. On dit toujours ne laissez jamais vos sacs par terre, ne laissez jamais vos chaussures par terre. Bah, ils vous tirent la thune en plus, les scorpions. Alors, voilà. C'est vrai, très kleptomane. Et en Inde, en plus, ceux-là, tu meurs, ils te piquent. Il n'y a aucune possibilité de. Tu vois, vraiment, c'est mortel. C'était un vrai méchant. C'était une vraie saloperie. Et le mec est arrivé dans l'hôtel. Et je me souviens très bien qu'on est en Inde, donc les Indiens ont un rapport aux femmes qui n'est pas le même. Ouais. Que le nôtre, on veut dire en France. Et le type était juste obsédé par nous voir deux femmes dans une chambre, parce que j'étais avec une pote, et n'en avait rien à foutre du scorpion. Et nous regardait. C'est lui qui l'a mis en fait, c'est un pote à lui. Et, et je me souviens qu'il a pris la bête avec un bâton, et il l'a tiré, rien à foutre. Et nous, on n'a pas dormi de la nuit. Je comprends comprendre. Traumatisé d'avoir eu cette bestiole avec nous quoi. Moi je déteste les insectes vraiment. J'ai un truc de ça me fait vraiment peur en fait. Je sais pas ce que ça a dans son corps et. J'ai un copain qui est mort aussi bouffé par un requin tant qu'on est sur les animaux. What? Bon là. C'est... Bah non mais allons-y. Les animaux domestiques là on parle. Non mais bon on parle de tu vois. Un surfeur? Un pote? Ouais. Ah bah à la Réunion tiens. Vous connaissez peut-être. Ah oui bah là-bas. Nous on y avait tourné avec Adrien et c'était d'ailleurs très rassurant. La première demi-heure, alors on dit ah ben normalement on tourne là-bas. Il fait ah bah vous ferez attention parce qu'il y a une gamine qui s'est fait bouffer par un requin là-bas. Bah, ok cool bah peut-être on va tourner ailleurs du coup. On a tourné sur des plages où il y avait vraiment les panneaux ne pas se baigner, il y a des requins. Nous on devait faire du jet ski dessus. On fait, bon. Et il y avait eu cette phrase géniale de vous inquiétez pas, ils ont peur des bulles. Non mais oui. Bon, un requin. Un requin. Il est à pour te bouffer, il fait bon, il y a des bulles, je me casse. Oula, calmos. C'est terrible ton histoire. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Mais en plus, en vrai, je te raconterai. L'histoire est vraiment genre triste. Wow, bah, changeons de sujet. Changeons de sujet. Oui, bien alors, sûr, c'est tout cela déjà. Mais j'aimerais savoir, j'aimerais que Fabienne nous dise ce qu'a dit le requin après. Quand même. je vais vous donner. Yann. Pardon, je savais pas que c'était un ami à toi. J'ai un petit jeu que je vous propose. Ah oui. Oh oui. Des célébrités ont eu des animaux un peu étranges. Et je vais vous dire le nom de la célébrité, il faut que vous deviniez. L'animal de compagnie insolite Philippe de Vigny. Un aigle royal. Vania Ice. Il a eu un lama. Non. Il a... C'est un nom d'animal pas très connu. Donc je sais pas comment c'est. Un capybara. C'est une sorte d'animal. Donc si vous me dites l'animal de base, non. Est-ce que c'est un oiseau? Non. Est-ce que c'est un mammifère? C'est un mammifère. Un singe? Non. C'est un peu plus insolite. Moi je suis pas répondre parce que je crois que j'ai vu la photo. Toi tu triches depuis le début. Non, non, c'est pas la photo. T'es agaçant, il honnête. C'est l'écran qui attire l'œil. J'ai tourné, j'ai vu donc j'ai pas vu les autres. Donc un animal pas courant quoi. C'est surprenant. Une hyène. Non. Ah mais quand même. Ça c'est Bernie Noël. Non, parce que t'as dit que c'est un nom d'animal pas très. Non, non, mais dites-moi la race générale de l'animal. Chien. Oui, parce qu'on va pas trouver le nom. C'est ça. Le nom qu'elle a donné à l'animal. Un loup. Non. Mais ça finit un non. Ours non un alors attends mammifère terrestre ouais est-ce que c'est une panthère une girafe non c'est plutôt un animal qu'on trouve dans l'hémisphère sud du monde en rapport avec une vidéo que t'as postée il y a un pas pingouin longtemps. Ah bah c'est vraiment ça aide beaucoup un kangourou ah bah oui du coup c'est ça, un wallaroo ça traîne un petit peu du coup. Ouais. C'était un c'était un wallaroo ouais tout à un fait wallaroo un wallaroo c'était long merci c'était long un peu qui est une critique le principe d'un jeu en fait on aurait une heure et demie les gens comme vous ils finissent dans le caniveau et bah le premier wallaby que j'ai vu sur le bord de la route en Australie il était mort. Ah bah yes. Moi j'ai que des histoires. C'est génial. Bon, tu m'étonnes qu'elle se bouffe les pattes ton chien après. Forcément. Bah oui, c'est un peu anxiogène. Kristen Stewart, la comédienne qu'on a pu voir dans de nombreux films, oui. En l'occurrence Twilight. Un rat. Un pingouin. Je vous rappelle que selon Donald Trump, elle n'a rien à faire avec Robert Pattinson. C'est un tweet qu'il avait mis. Oui, et elle avait répondu je suis gay, espèce de gros débile. un serpent. Non. C'est un peu moins insolite. Pingouin. Un chat. Non. Un poisson. Mammifère. Ouais. Un terrestre. Enfant. Un écureuil. Un enfant n'est pas un animal, je sais. Ah bon un wolverine. Un lapin. Non. Un blaireau. Non. Un putois. Une araignée. Tu parles mal de Robert Pattinson. Oh. un cochon. J'ai dit le pingouin, c'est le premier que j'ai dit, Gaël. Ah, pardon. Un pingouin. C'est ça. C'était un chien loup. Oh, un husky, quoi. Non, un loup. Un loup. Salvador Dali. Oh bah lui, ça, c'est une girafe. Non. Un singe. En feu. Une girafe en feu. Un perroquet. Il y a une photo très célèbre. Un singe. Oh, je vois pourquoi, parce que j'adore la culture. Une horloge. Mais molle. Un iPhone. Non, c'est une photo très connue où il sortait du métro avec cet animal. Un vautour. Non. Un singe. Non. Une autruche. C'est un peu un animal atypique. Un zèbre. Un perroquet. Non. Putain, je l'ai dit, Audrey. Un wapien. Je t'ai entendu, je t'ai pas grave, pardon. Un mammifère. Un mammifère, mais pas. Enfin, en l'occurrence, il mange des animaux, mais pas des gros animaux. Un guépard. Non. Les mammifères, ça n'a rien à voir avec le régime alimentaire. Non, je donne un indice en plus. Un crocodile. Ah, pas mal. Un crocodile dandy. Vraiment pas un mammifère, par contre. Une fois, j'ai rencontré un crocodile. Non, il est mort. Il a bouffé toute ma famille. Ça m'énerve, je suis sûr d'avoir vu cette photo. Un dodo. Il n'existait plus, mais t'es pas loin. Éteint, il était déjà c'est éteint. Un oiseau. Mais non. Non. C'est à quatre pattes. C'est très près du sol. Bon, je vous le dis. Non. Une limace. Non. Très près du sol. Il sort du métro avec. Une pangolin. Un castor. Non. Une patate n'est pas une limace. J'ai l'impression qu'on fait un petit bac. Furet. Putois. Non, plus exotique. Bon, vous trouverez pas. Mais si, non. Mais si. Arrête. Les gens, j'ai les chiffres. J'ai des chiffres en direct. Il y a, y a Mila qui se bouffe les pattes. Trois propositions. Je peux faire trois propositions. Vas-y. Donc une tout seul quoi. Une qui commence par F. Un facochère. C'est un frelon. Un flamant rose. Un éléphant. Oh bordel, je l'ai. Un fan. Non. Bon allez, vas-y. Un flan. Des gueules. C'était un fourmilier. Bah j'allais le dire, putain. Voilà. Non, t'allais vraiment. La photo est très célèbre. Un fourmilier ou un tamanoir? C'est ça, c'est que j'avais tamanoir en tête et j'avais oublié que ça s'appelait. Je vais vous donner un petit indice pour le prochain. Nicolas Cage. Et c'est un animal marin. Un orque. Non. Une otarie. Un dauphin. Non. Un requin. Non. Mais putain, ça je le sais. Un panda. Non. Un pingouin. Mais qui adore nager. Un morse. Non. Une otarie. Un panda. Avec des bouteilles d'oxygène. Non. Un éperlan. Non. Une baleine. Non. Plus atypique. Petit. Ouais, ça peut être long. Mais c'est pas la taille d'un orque, quoi. Un espadon. Non. Un dauphin. C'est pas vraiment un poisson. Un saumon. Ah. Non. Une tortue. Non. Une tortue géniale. Non. Une tortue ninja. Non. Un hippopotame. Franklin, la tortue. Un hippopotame. Non. Un crocodile. Non. Pour le moment, c'est un échec total. Mais c'est marin, on est d'accord. Ouais, c'est marin. Et puis même, ça peut faire des pronostics. Un poulpe. Ouais, exactement. Vraiment, les indices, c'est genre, bon, je vous le dis. Allez, on a d'ailleurs, non, c'est pas du tout un poulpe. J'ai ah non, de la un merde. Calamar. Non, mais bon, l'autre, du coup. Une sèche. Pieuvre. Une pieuvre, exactement. Ah, ouais. C'était une pieuvre. D'ailleurs, c'était une pieuvre qui faisait le pronostic, c'était pas un poulpe. Ah bon? Non, c'est pas le poulpe. Non, c'est un poulpe. Enfin, ouais, ouais. Son... Ouais, dans le nom, il y avait le. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un gros. Il y avait l'intitulé, c'est vrai. Je vous en donne. C'est ça. Megan Fox. Un renard. Un renard. Mais non, ça trouve ça trop joli. Megan Fox, qu'est-ce qu'elle a eu? Une perdrix. Une belette. Plus simple. Un panda. Un singe. Non, plus simple. Un chien. Un aigle. Non, un chat. Trop simple peut-être. Un chat. Non. Un perroquet. Un chat nazi. Non. Attends, est-ce que ça vole ou est-ce que ça marche? Ça marche. Ça a quatre petites pattes. Un ours. Non. Petit, plutôt petit. En l'occurrence, celui-là, c'est une race de trucs petits. Un tamanoir. Non. Un koala. Non. Un écureuil. La photo est assez rigolote parce qu'elle est un peu bonne dessus. Un lapin. Et elle a, pas de elle a juste une culotte et un bas de jean. Ah, j'ai tellement de regrets à ton ordinateur. Elle a eu un marmouset, non? C'est pas ça? Non. C'était un cochon vietnamien. Oh, la photo, je l'ai vu. Et la photo, c'est ça. Tu vois, un petit peu mignonne. Un petit cochon. L'autre, d'ailleurs, acteur très connu. Georges Lounet. Voilà. Il était l'autre comédien qui avait un cochon vietnamien. C'est vrai, c'est vrai. Il dormait avec son cochon. Reese Witherspoon. Elle a eu une petite cuillère. Alors là, c'est un oiseau. Non. Encore un animal à quatre pattes. Et oui, une patate. C'est pas vrai. C'est un truc miniature. Mais c'est un fléau. Non, ça c'est plus le racisme, un hamster, l'infanticide. Un écureuil. Un chien nain. Non. Un chat nain. Un nain tout court. Un poney nain. T'es pas loin. C'est un nain miniature. Ah. Elle avait un nain miniature. Et le plus connu, Michael Jackson. Singe. Et, bien sûr. Et enfant. Pas mal d'enfants dans son lit. Ouais. C'est pas les animaux. Beaucoup d'enfants en bouche. Je pense que c'était plutôt les enfants qui le prenaient en bouche. Les deux. On débat. Je regrette d'avoir lancé. Il ouais. Y a aucune preuve, d'accord. Il y a juste des gens qui aiment bien, voilà, passer des nuits avec beaucoup d'argent dépensé. Michael Jackson, ça lui a pas. Beaucoup de gens le défendent encore. Ouais, c'est fou. Ouais. Alors que. Alors qu'il a sucé des gamins, il s'est sucé. Voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter d'écouter Michael Jackson. Les amis, j'ai quelques petites questions des auditeurs. Et après, on passera aux recommandations. Oui, aux recommandations. Ils sont juste ici. Il attend ça depuis la fin du film. C'est pour rappeler. J'ai un conducteur maintenant. Adrien, oui. D'où t'es venue l'idée de zombies susceptibles? Les zombies. Genre, je peux m'en contenter, attention. En vrai, j'en sais rien. Je sais c'est pas. Venu comme ça. Non, mais c'est je sais pas. T'as en fait, pas la belle juste... histoire. Bah, Josiane Balasco, par exemple, j'ai écouté un podcast avec elle. Elle a écrit un roman de science-fiction, enfin un recueil de nouvelles. Et elle a un truc de zombie. Elle a dit je regardais Walking Dead et je me suis dit les zombies, ce serait marrant qu'ils fassent ça. Voilà. Non, mais en fait, oui, non, mais c'est parce que j'ai remarqué que souvent il lâchait une punchline où il les insultait un peu, tu vois, genre. Ouais. Elle prend ça, espèce pourriture ouais. De merde et tout. Et je me suis dit, ce serait drôle que le zombie le prenne mal en fait. pas tant le fait qu'il va se faire tuer, mais qu'on l'insulte avant quoi. Et voilà. C'est drôle. Gaël, oui. Question. Quoi ? Oh, oui. Oui, ça va. Oh, bah, ça faisait plaisir à entendre, ouais, d'accord. Je vous aussi, rappelle que j'ai arrêté aimé. Ma carrière depuis 6 mois. J'ai des réminiscences. Gaël, si ce n'est pas trop personnel. Oui. Quelle est la taille de ta tub ? Non. Comment a réagi ta famille quand 27. Ils ont découvert les contenus que tu produisais ? Bien. Ils savaient quoi ? Ils savaient que tu fais du porno. Ils me connaissaient, ils savaient que j'étais un peu foufou. D'accord. Depuis toujours. Et non, ils ont rigolé. Puis petite oui, fierté. Ça va. Après, ça commence un peu sur internet. Tu dis bon machin. Après, ça commence à, comme nous tous. Hein. Bien sûr. Ça devient un peu plus sérieux dès qu'il y a un passage télé, un truc comme ça. Donc certains s'en foutaient, d'autres rigolaient un peu, d'autres encourageaient. Mais c'était non très bienveillant, très cool. Bon, okay. Parfait. Audrey. Réponse sérieuse, ça peut arriver. Bah non, mais c'est bien, on répond aux questions. Moi, j'aime pas les gens qui répondent pas sérieusement aux questions. J'aurais pu dire chiasse. Ça aurait été marrant. Chiasse en peau. Moins bien. Chiatoff. Audrey, on te voit jouer dans plein de vidéos sur internet. As-tu envie de relancer des vidéos que tu écrirais potentiellement? Oui, non mais tu sais que je vais être un gag vraiment, je pense à un moment. Ça va. Il y a une envie en tout cas. Non mais ça va arriver, c'est juste que ça me demande du temps et que je le place au passage pour mes amis qui sont là autour de la table et ceux qui veulent le faire ou ceux qui le font déjà. Il faut vraiment être un petit peu courageux et avoir une petite confiance en soi pour le faire. Ce qui est compliqué pour moi à porter toute seule sur ma chaîne. Mais là je me dis, flûte. Allons-y, n'ayons pas peur. Donc oui, normalement, j'ai monté ma boîte de prod pour pouvoir le faire. Ah d'accord, plus avancé que plein de gens. Non, si ça y est. Donc normalement, ça devrait arriver dans les mois qui arrivent. Bon, bah, c'est pratique bien. Pour les notes de frais, la boîte de prod. Pour Fabienne, par exemple. Je peux pas justifier Fabienne, tu vois. Non, auprès de personne. Non, auprès de vous, même vous, déjà, là, je sens bien que c'est compliqué. Justine. Oui. Va-t-on te voir au cinéma prochainement, car je viens de te voir dans Nicky Larson. Non. Non, pas de casting prévu. Oh la tuile. Non, je sais pas. D'accord. Ça te tente parce qu'en fait, il y a une question qui est toujours un peu bizarre, mais est-ce qu'on nous demandait si ça nous tentait le cinéma? Oui, ça. Dégueulasse. Ouais, non, de la merde en barre. Hein. Pourquoi être bien payé avec une des histoire horaires qui dure une heure et demie. Et tout, non. 10 000 balles par jour pour dire salut. Bébé cadom. J'adore quand il dit bébé cadom. Et gros débile. Quand tu dis gros débile. Débilos. Débilos. Adrien, comme la photo. Tu te rappelles? Oui. Plus de private joke. Ouais, on peut pas en parler. Adrien Méniel, tu as dit que Phantom Force allait arriver en 2019. As-tu une date plus précise? Car je suis impatient. 2019, je l'ai dit vraiment beaucoup de fois. Mais ça arrive à grands pas. Ouais. C'est bientôt, enfin, mais c'est quand même un an après à la diffusion télé, ce qui est vraiment pas très sympa. Deux ans après de la part le tournage. De... Mais tu vas le diffuser, je crois, parce que je me permets. Oui, à Cannes Série, on va le diffuser. Ça, c'est top. Ça, c'est trop bien. Là, avec rencontre avec le public, tout ça. Eh ben, je suis pas au courant. Ah, je pense que si. Enfin, je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'ils vont faire une sorte de rétrospective des programmes courts de Jérôme sur Canal+. Même Speakerine? Non, je crois pas. Ok, d'accord. Mais c'est génial ça. Et du coup, ils ont dit on pourrait diffuser Phantom Force. Et du coup, moi, je suis totalement une pièce rapportée dans l'histoire, mais je suis content d'y aller. J'ai ri de cette blague. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand ils annoncent l'avenue de Jérôme, ils l'annoncent pour Phantom Force. Ce qui est un peu réducteur, parce qu'il va y avoir d'autres trucs. Ouais, oui, mais, les tutos, tout ça, bien sûr. Voilà, mais du coup. Et peut-être Zombie Susceptible. Bon, il y a moins d'un. Parce que Jérôme disait ça pourrait être cool de le diffuser aussi. Bon, là, il vient de sortir, donc c'est. Ouais. Mais pourquoi pas? Bah voilà, pour faire un peu un petit éventail, voilà. Très donc bien. On est content. Allez, gratos à Cannes. Attends. Allez. Au printemps. On aurait tort de pas se faire plaisir. Gaël, as-tu kiffé faire la tournée Punk Mon Tube? Avais-tu déjà autant souvent joué, aussi souvent joué avec Joe Lamouk? Non. Même t'as si pas kiffé? Même. Alors si. Répondre dans l'ordre. Ouais, je vais répondre dans l'ordre. Je te déteste. Et non, c'était une super expérience. Et effectivement, j'avais jamais autant joué d'affilée parce que Joe Lamouk, même si ça existe depuis 20 ans, ce groupe, on n'a jamais fait de tournée comme ça parce qu'on était un peu à l'arrache, un t'avais peu 20 ans. Indépendant. J'avais 15 ans. J'ai 57 ans. Et non, mais d'enchaîner une semaine entière plusieurs villes comme ça, c'est un truc que on a tous voulu faire finalement. Puis moi je garde Stéphane pendant ce temps-là. Et en plus, à garder Stéphane, c'était parfait. Moi, en tant que DJ, je faisais des dates par-ci par-là. Ouais. Ça m'arrivait de faire deux dates d'affilée un vendredi samedi, mais là, de faire vraiment. On a fait un vrai tour de France en bus avec les poteaux et on s'est marré, ouais, c'est trop cool. Franchement, envie de refaire cool. Un jour peut-être. Mais surtout la fin, le Bataclan, c'était vraiment mortel. Oui, c'était génial. C'était remplir à bord, soldat. Moi, c'est une de mes salles préférées ever de Paris. Bien sûr. J'ai vu les Beastie Boys, j'ai vu. La chance. Ouais, des trucs de ouf là-bas. Et juste d'être sur scène de chanter. Enfin, en plus, on avait fait un petit intro avec Bat. On a fait Jacques et Cédric. Oui. En tout début de Bataclan. Donc ça, c'était un énorme kiff. On a trop rigolé. Les gens étaient réceptifs. Et donc ouais, mais ça risque de se refaire. Il y a eu l'envie en tout cas. Et surtout, on va jouer au Hellfest. Vous avez, avec Joe Lamouk? Avec Joe Lamouk, ouais. Vous allez jouer? Ouais, on va jouer là. Ah, cette année? Ouais, et la blague c'est que Kawaii Bukake était programmé aussi, donc on va jouer le même soir. Ah, trop bien. Que c'est le soir d'avant en fait, c'est le jeudi, le festoche commence le vendredi. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Mais il y a aussi des concerts, des trucs. Oui, c'est le jeudi. Au camping, je crois. Enfin, non, c'est dans le truc, mais il y a des gens viennent dès le jeudi en fait. D'accord, il y a déjà beaucoup de monde. Le Metal Corner, ça s'appelle. Ouais. Et c'est cool parce qu'on va jouer, on va s'enchaîner en plus, donc on va pas jouer en même temps, ça sera deux scènes différentes. Mais, parfait. Donc il y aura deux groupes de punk mon tube. Hellfest le jeudi cette année. Trop bien. Ça va être chambé, on est trop content. Trop bien. On voulait y aller au Hellfest et ça s'est vendu trop vite. Voilà. En une heure à peu près. Voilà, c'était vraiment très rapide. Les places sont vendues en une heure. Voilà. Mais peut-être qu'il peut avoir une invite. Non. Ah, il a quand même un petit peu envie. Peut-être que. Non. Non, je sais. Moi, on me demande si l'envie. En fait, parce que sur Twitter, il y a quelques. Quand je suis sorti de Vice, je voulais faire la même chose que Vice. Vous voyez ce que c'est Vice? C'est le film sur Dick Cheney. Oui. Et moi je voulais le faire avec Jacques Chirac, avec Jean Dujardin dans le rôle de Jacques Chirac. J'y ai un peu pensé. Donc non, je ne vais pas le faire puisque c'était une blague sur Twitter. Voilà. Ah, je vais juste répondre aux gens. Tu l'as vu toi à Vice? Ouais, bah avec Adrien, on y est allé ensemble. Ah, ouais. On vous est allé ensemble. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. T'as détesté chouette. Toi. Mais toi t'es de droite déjà, donc peut-être c'est ça aussi. Non, moi je suis un méga fan d'Adam McKay, évidemment. Ouais. Et là t'as été déçu. Et non, je l'ai pas vu, c'est pour ça que je voulais votre avis. C'était pour avoir un feedback, pour me donner envie ou pas. Mais et là je vais m'engouffrer dans une transition. Qu'est-ce que t'as vu récemment? Mais c'est pour ça que j'ai lancé le truc. J'avais pensé. Mila non. Pas folle la guêpe. J'avais oublié. C'est terrible. Mila. Alors, qu'est-ce que tu as aimé récemment, Gaël Mektoub, que tu as vu, lu, entendu, mangé? Écoute, le dernier truc que j'ai vu qui m'a fait kiffer, bah c'est classique, c'est Triple Frontier sur Netflix. Eh non, pas vu. Ah, je l'ai pas vu avec encore. Ben Affleck, non, ouais. Ah, il paraît que c'est vachement bien. Oui. C'est vachement bien. Uniquement des hommes. Mais vraiment c'est vachement bien. Et c'est étonnant. En plus, tu peux le voir de plusieurs manières. Ce film, c'est un peu une allégorie de la guerre et de l'engagement des Américains dans plein de pays sur des conflits de merde, transposés sur les cartels. Mm. Et il y a vraiment une team de comédiens qui est mortelle. Un peu comme le film Les Rois du Gag. Mais oui, ouais, voilà ça. Avec okay. Junio et Kermit. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une scène très marrante avec le chien qui se fait couper la tête dans l'ascenseur. Exactement. Ouais. Exactement. Vous rappelez de ça? Non, mais j'ai pas vu le film. Moi, je me rappelle de sa charde là-haut. Triple Frontier. Vraiment, gros kiff. Et c'est quoi le format? C'est un film. C'est une série. Format A4. C'est une... tu peux la coller. Je croyais que c'était une série, excusez-moi. Non, c'est un film. C'est un long métrage. Ben Affleck, Oscar Isaac et plein de gens. Super. Et le comédien qui jouait dans Sons of Anarchy, le rôle principal, je me rappelle. Martin Lamotte. Justine, un truc que tu as apprécié récemment, culturellement parlant? Oui, moi j'ai été voir Le Chant du Loup. Ah. Pour un premier film, j'ai trouvé ça fou de se lancer dans la réalisation d'un film de sous-marin. J'ai trouvé que le son était génial, que c'était incroyablement... Le son qui a été fait au Skywalker Ranch, donc qui est quand même un des plus grands... Skywalker Sound, pardon, qui est le... Je croyais que tu faisais une vanne. Ah non, je te jure, non, c'est... Ils ont mis le film... Comme une vanne. C'est un premier film, mais il a coûté quand même cher, enfin c'est un vrai pari. J'imagine. Ouais. Il a coûté 20 millions. et ils ont fait faire le son chez les mecs qui ont fait le son des Star Wars, des Jurassic Park, de tout ça. Donc ça joue. Pensé 18 millions pour le son. Ça a coûté aussi cher. Ouais. D'ailleurs, les sous-marins sont des jouets dans une bassine. C'est un premier film, le mec ne sait pas du tout gérer son téléphone. Le cachet de François Civil était de 200 euros. Pour 30 jours de tournage. Il croyait vraiment au projet. Mais tout le monde dit que c'est très réussi. Ouais, c'est très réussi. Il paraît que c'est vachement bien. Ouais. Et j'ai été voir aussi. Alors, dans un autre genre, Grâce à Dieu. De Ozon. Et alors, pour l'anecdote. Ozon causé, le nom entier. Fait wesh wesh les prêtres. Et alors, le film est très bien fait et vraiment super. Et pour l'anecdote, quand je suis allée voir le film, j'attendais avec mon ticket de cinéma dans la main. L'affiche m'est tombée dessus et m'a fait très mal. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu passer cette histoire. C'était aussi improbable. Et je me suis retrouvée, mais avec une jambe énorme qui avait doublé de volume. Ah oui, d'accord. L'affiche m'est vraiment tombée dessus. De ce film-là. Mais on rappelle que tu es sataniste. Exactement. Peut-être pour ça. Je me suis demandé si c'était pas, je sais pas, un signe, un truc comme ça. Et malgré, j'avais quand même très mal. Et ben, j'ai quand même, ils m'ont offert une bouteille d'eau, le MK2. C'était l'ami de ma mère qui a mangé mon hamster. Hein. Elle bosse au MK2. Et... Non, alors je pense qu'en vrai, ils étaient emmerdés parce qu'ils se sont dit, mince, si elle porte plainte ou quoi que ce soit. Bon, j'ai une bouteille d'eau, cristalline. Ça va la calmer direct. Une bouteille de cristalline et ils m'ont soigné à base d'arnica. Et après, j'ai été voir le film gentiment. De punaises de lit, parce que le MK2 Quai de Loire est réputé pour avoir des petites bestioles dans leur siège. Ils ont fait un lavage. Ah bah j'espère, parce que c'est vraiment la pire chose. Et parce que j'y vais tout le temps. Ouais. Donc sinon j'en aurais. Oui, mais tu me grattes. J'avais vu des rats derrière l'écran à Gambetta. Oh, c'est chaud. C'était à l'époque où j'étais allé voir Star Trek. Et on regardait le film avec un pote et je vois une ombre chelou, tu vois, en bas d'écran. Et vraiment, c'était rigolo parce que du coup, c'était comme un spectacle d'ombre chinoise. Un énorme rat comme ça qui passait, qui en est. Ah ouais, d'accord, ok, super. Et des rats. Moi, ça. Je déteste ça. Moi, j'ai vu une baston à Paul, le film Paul. Une baston de rat ? Non, une baston d'humain. Une baston d'humain. Mais ce qui est très bizarre. À quel propos ? Qu'ils sont, je sais pas, ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés. T'es dans le film, puis t'entends que ça parle fort. Et en fait, tu vois que des gens qui s'embrouillent, qui sait, et qui se sont battus. Et ils étaient au deuxième rang, donc t'avais tout le cinéma qui les voyait. Putain. Et t'avais une meuf avec eux deux qui les poussait, qui était leur pote, mais qui les poussait, genre, pas sortie. S'embrouiller devant tout le monde. Et donc, du coup, ils sont sortis, ce qui a mis une petite ambiance pendant la projection. Ouais, dis donc. Ah. Et Dumb and Dumber 2, il y a un gars qui a failli mettre une patate à un autre parce qu'il riait trop fort. Mais je le comprends. En fait, il riait à chaque fois qu'il y avait un plan sur Jim Carrey, mais même quand il n'y avait pas de blague. C'est-à-dire qu'il faisait oh la gueule! Et genre, allez, c'est ah, bon. Oui, il parlait aussi. Horrible. Oh non! Et donc le gars lui dit bah arrête, et il fait c'est une comédie. Je fais oui, enfin là, le gars lui fait là, il n'y a pas de rire quand il y a des blagues au moins, parce que là, c'est insupportable quoi. Et donc du coup ça a failli partir en baston, mais ça va, ça s'est calmé. Quand tout le monde a dit vraiment tu rigoles très fort, c'est relou. Mais le concept de dire aux gens quand rire est quand même un peu drôle. Là, vas-y, là tu peux rire. Non, pas là, stop. Mais en fait, on aurait dit un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui dit ok, donc il rigole dans les comédies. C'est drôle, c'est marrant. Le visage du type. Donc grâce à Dieu, tu conseilles malgré le fait que Dieu se venge quand on va voir Dieu le film. Dieu se venge, visiblement. Très bien. Grâce à Dieu et le chant du loup. D'accord. Voilà, deux salles de ambiance, j'ai envie de dire un peu. Ouais, deux films différents. Adrien. Alors moi j'ai deux trucs. Le premier c'est une série documentaire qui s'appelle Larry Charles Dangerous World of Comedy. Oh my god. C'est sur Netflix. Et ça parle des gens qui font de la comédie. Mais genre dans des pays genre en guerre ou où ça craint, etc. Et c'est vraiment, c'est trop bien quoi. Tu peux rappeler qui est Larry Charles en plus. Larry Charles, c'est un réalisateur qui est notamment réalisateur de Seinfeld, mais aussi de genre plusieurs épisodes de Curb Your Enthusiasm. De Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, il a aussi réalisé Borat, Le Dictateur, Bruno. Voilà, Religious de Bill Maher et tout ça. Ouais. Un mec qui aime bien je me demande si j'allais dire de la merde, mais bref, il aime bien, il y a pas mal de documentaires et tout, et de la comédie, donc tout naturellement il a fait des documentaires sur la comédie, et c'est vraiment trop bien. C'est et sur quoi? Netflix. Okay. Et par exemple, et il parle de quoi? Le monde dangereux de la comédie. D'accord. Il va voir un gars qui est genre il fait un talk show un peu comme le Daily Show quoi. Sauf que c'est en Irak. C'est le, je sais, j'ai oublié son nom, mais le mec, c'est genre, il fait un talk show en Irak où il fait des blagues sur Daesh, enfin vraiment, alors que vraiment Daesh sont à côté, quoi, la porte à côté. Dans le public, ils font, eh oh, pas marrant. Le bureau d'à côté, quoi. Ouais. On aimerait bosser. Les rires. Moi, je bosse demain, ça va. Les rires nous mettent dans un mood. Et non, et c'est fou quoi, c'est vraiment des gens qui font de la comédie là où tu peux vraiment te faire tuer pour les blagues que tu fais et tout. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est vachement intéressant quoi. Il y a des, aussi des gens qui. Des pays, enfin, genre comme le Liberia qui ont été en guerre et tout, des guerres assez violentes et tout, et du coup ils font des sketchs et tout. Enfin, tu vois des gens qui font vraiment des sketchs. Vidéo sur leur page Facebook, mais c'est de la comédie donc du Liberia, et donc des gens qui parlent de la guerre, des gens qui ont vécu la guerre eux-mêmes et qui font des blagues dessus et tout. Enfin, c'est vraiment hyper bien. Je vous recommande. Enfin, si on s'intéresse à la comédie, en fait, je me suis dit c'est vraiment cool aussi de s'intéresser pas seulement aux gens connus, aux gens qui sont millionnaires, qui font des blagues et qui disent ouais, je prends des risques moi parce que j'ai dit ça. Tu fais, oh. En fait, non. Je pense que c'est tout le propos de. Enfin, moi je connais pas le gars perso, mais de ce que j'ai lu en interview du mec qui fait ce documentaire, c'est justement le propos. C'est de dire oui, c'est très cool quand Seinfeld va voir des humoristes connus dans des bagnoles stylées, mais lui il voulait voir vraiment ceux qui prennent des vrais risques. Et en plus, je trouve que ça. Ça redonne un regain d'amour pour la comédie en fait, de se dire putain mais en fait les gens partout dans le monde font de la comédie et en fait ça fait vraiment du bien aux gens ces contextes là ça fait vraiment du bien aux gens et ça permet de faire passer des trucs et tout, donc c'est vraiment trop bien. Et l'autre truc, c'est un jeu sur Switch et PC qui s'appelle Ape Out Mario. Non. Et Et non, c'est trop bien. C'est un jeu qui est distribué par Devolver Digital, qui ont fait genre Hotline Miami 1 et 2, plein de jeux comme français. Ça. Non, je c'est crois des pas. Français qui ont fait Hotline. Je crois pas. Je crois. Non, bah, pas c'est moi donc. Non, ouais. C'est pas des Français. Sur le mec s'appelle Cactus et il est suédois. Eh ben, excuse-moi, c'est il français est, Cactus il comme il est moi, suédois. pas okay. du tout français. Non, et du coup, bah, c'est un peu assez proche de Hotline Miami dans le côté ultra violent. C'est-à-dire qu'on joue un gorille qui s'échappe de sa cage, et en gros c'est vraiment vu du dessus et tu te balades, et les contrôles sont très simples, c'est-à-dire qu'il y a des gardes qui sont là avec des flingues, et il y a la gâchette de droite pour leur mettre un coup avec les deux membres avant, et donc ils s'éclatent contre le mur, ils explosent dans une gerbe de sang. Donc cool. Le bouton enculage, c'est lequel? J'avais tellement envie. Pardon, il attendait. C'était la gâchette de droite. Non, la gâchette de gauche, on peut les attraper. Donc soit pour s'en servir et les enculer. Ok, génial. Super, dans une gerbe de sperme. C'est ça vos blagues. J'aime bien gerbe de sperme, j'aime bien. Donc soit on les utilise en bouclier, ou alors on peut les jeter sur les autres et tout. Enfin, c'est très simple, mais du coup c'est trop cool et c'est hyper beau. Et il y a un détail qui est vraiment cool, c'est que la musique c'est du jazz. Donc ça fait genre ferme ta gueule. Vous instruire. Bon, c'est un peu ça. Avec un singe. C'est ça, mais en plus les actions qu'on fait dans le jeu, quand on éclate les mecs et tout, ça ajoute à la musique. Donc ça fait et c'est trop cool quoi. C'est-à-dire que la musique... Mais enfin, vous êtes infernal. Surtout infernal. Que ça ne fait plus rien à personne depuis deux minutes. Ah, bah, nous, ça nous fait rien. Oui, vous êtes des idiots. Non, voilà, j'ai donc c'est de la musique en live. Oui. J'ai une question. Ça sera pas sur enculé. J'encule pas des gorilles. Ouais. Non, mais est-ce que c'est aussi dur que Hotline Miami en mode tu as une vie, c'est fini? Non. C'est ça qui était génial avec Hotline Miami. Là, tu meurs, tu recommences le niveau. Tu te rappelles ça? C'était ouf. C'était le truc avec les têtes d'animaux, là, c'est ça? Le 2, j'ai fini. Ouais. Insupportable. Ça. Une balle, t'es mort, tu dois tout refaire. Oh là là, c'est pas hyper vraiment. Chiant, mais du coup, t'as le un gros peu challenge. Comme Edge of Tomorrow, quoi. Mais non, là, c'est, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Il y a vraiment un côté hyper jouissif. Et je vais l'essayer, mon pote. Éclater les mecs contre le mur, là. Je vais l'essayer. Je l'ai, là, si tu veux, je pourrais te le faire essayer après. Ok. Voilà. Moi, j'ai maté un film sur Canal Pelu. qui s'intitule Ni juge ni soumise. Ah, je l'ai vu. Ouais. Alors, c'est un documentaire sur une juge belge, une juge d'instruction belge. Par l'équipe de Striptease, donc qui sont des gens qui avaient fait sur France 3 beaucoup de documentaires d'une vingtaine de minutes sur plein de gens atypiques, dirons-nous. Mais ils n'étaient pas au César avec ça. Si, ils ont eu le César du meilleur documentaire. Jarry, notamment. Oui, Jarry. Bah, Jarry qui était totalement atypique pour le coup. Et qui joue dans Nicky Larson, je tiens à le rappeler. Bien sûr, il se fait saisir la bite à pleine main. Absolument. Bah, c'était pas la sienne, c'était du make-up. Ah, merci. Je vous en prie. Je suis un peu déçu. Oh là là. Il s'est fait saisir la bite à pleine main. L'inside du cinoche, Justine Le Potier. Mais j'en ai plein. Donc, demandez-moi. Ni juge ni soumise, qui est un documentaire d'une heure 40 sur une juge d'instruction qui est un peu chelou et en même temps pleine de vie et avec plein d'humour. Et le documentaire est vraiment très bien. Alors c'est toujours un peu surprenant. Je pense que quand t'as jamais vraiment vu de Striptease, c'est un peu dur parce que c'est vraiment un épisode de Striptease d'une heure 45, donc y a pas de voix off, y a pas trop de contexte. Donc juste tu te chopes des images de la vie de cette meuf et c'est des images dures parce qu'elle est juge d'instruction. Comme tous les épisodes de Striptease, y a un espèce d'humour noir qui est quand même un peu latent. Mais dans le montage de la situation. Ouais, mais quand même, au bout d'un moment, tu vrilles dans le malaise assez vite. Et d'ailleurs, je le conseille vraiment pas du tout à tout le monde. Il y a une prise de déposition d'un infanticide qui est extrêmement bizarre et qui met pas à l'aise, mais qui est passionnant parce que tu vois ce que c'est aussi d'être juge et de devoir. Et elle réagit pas, quoi. Enfin, tu sens qu'elle fait son métier depuis des années. Et, voilà. Après, le film est pas sans défaut. Moi, je le trouve un petit peu long. J'étais un peu déçu de la fin aussi, même si c'est normal que c'est un documentaire, donc tu peux pas. Mais en fait, tout le fil rouge, c'est une enquête. Et sans spoiler, la fin est un petit peu décevante de l'enquête. Voilà. Donc ça, moi, j'étais un petit peu déçu. C'est quand même bien spoilé. Au niveau du spoil, t'es dans les clous. Fort, là. Le mec arrive à spoiler un documentaire. Ouais, mais pour moi, tu regardes pas ça pour ça, donc c'est pas très grave. C'est comme Making a Murderer finalement. Non, parce que la fin. Non. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Il y a un truc quand même un petit peu bizarre, parce qu'ils la suivent quand même pendant plusieurs années. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de ah bah quand même c'est des rebeux qui font des trucs comment dire, qui font des trucs hors la loi. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu étrange quand même. Je trouvais que c'est vraiment ça. Non, la mère qui a tué son bébé. Elle le fait au nom du prophète, vraiment. Mais bon, bref, à part ça. T'as pris position là. Non, mais je te le dis, t'es la deuxième personne qui m'en parle et qui dit ça. Voilà, je suis peut-être parano, hein, mais. Et en vrai, c'est pas un documentaire à charge, mais vu qu'il prend jamais position, t'es obligé de te dire, ah bah qu'est-ce qui se passe. Voilà, je pense pas du tout que c'est le propos du film, mais du coup, c'est un peu. Il faut rester vigilant, en effet. Voilà, non, mais voilà, raison. Je le dis au cas où, ça peut. Tu peux voir ce truc là et être un peu mal à l'aise. Voilà, moi je l'ai vu en me disant c'est sûrement pas ce qu'ils ont voulu faire et je m'en fous ce qui m'intéresse. T'as adoré personnellement cette partie du surtout cette partie là étant profondément raciste, ça t'a parlé. Voilà, non mais donc voilà, ce qui est intéressant c'est cette personne de juge effectivement qui est en vrai un peu folle, hein, on peut le dire, mais qui du coup est passionnante. C'est voilà. Fabienne. Ça m'étonnerait pas du tout. Je vais vous faire écouter ce qu'a dit votre chien sur votre comportement. Ça, oui, on met les pendules à l'heure. Comportement, bah ouais. Salut. Elle fait tous les animaux, c'est Toto. Hein, vraiment. Non, mais par contre, c'est vrai qu'elle a un côté. La juge, en l'occurrence, dont j'ai oublié le nom, c'est vraiment un personnage, quoi. Elle est en deux chevaux. À chaque fois, elle dit prenez des petits bonbons. Et puis. Elle fait Uber. Il y a une bouteille d'eau à l'arrière. Ouais, c'est ça. Et en même temps, elle est parfois très dure avec des gens qui sont accusés. Et d'un autre côté, elle va être très présente pour eux. Elle s'intéresse toujours, c'est-à-dire qu'à un moment elle reçoit une prostituée qui a arrêté d'être prostituée, elle fait juste du SM maintenant, et donc elle lui pose un milliard de questions et la conversation va des trucs vraiment très noir, très perso, de trucs hardcore, et elle garde cette espèce de ah quand même, ah oui d'accord machin, elle est vraiment passionnée quoi. Donc voilà, c'est très intéressant comme documentaire, donc je vous le conseille quand même. Oui. Et aussi très vite, moi je sais que Justine a moins aimé, mais le dernier Xavier Dolan, moi ça m'a touché. Aïe, aïe. Et j'ai trouvé ça très émouvant et j'ai bien aimé. Voilà, il y a des films qui a des problèmes mais que je trouve quand même vachement bien. Voilà, Audrey Pirot, qu'est-ce que tu as apprécié récemment? Alors moi il faut savoir que du coup vu que j'ai un chien handicapé, je ne vais plus au cinéma depuis 3 ans. Mais peut-être un livre, peut-être. Tu vois, il a conseillé un jeu vidéo. Il y a le streaming pour des gens comme toi. C'est vrai. Non, j'avoue un crime que j'ai fait. Elle a téléchargé un torrent. Non, pas du tout. En ce moment, j'ai honte. Un mec, ouais. J'ai honte, mais je sais pas pourquoi. Un chien. Non, je laisse ça à Adrien. J'ai jeté une técato sur un gilet jaune. Je regarde La Villa des Cœurs Brisés. Ah, mais je peux pas jeter la pierre. Ah. Et en fait, Jordan sort avec Sarah. D'accord. Et là, en ce moment, Mélanie est complètement chamboulée par l'arrivée de Dylan. D'accord. Tandis que Fiji est repartie. C'est de la télé-réalité, en fait, c'est ça ouais, oui, oui, oui. La Villa des Cœurs Brisés, c'est en mais fait... Mais c'est adapté d'un bouquin, à la base. Ouais. Et, ouais, c'est Proust. Proust. Et là, en fait, il y a une thérapeute qui vient et qui, genre, qui les aide. C'est très bien, très on peut le dire. Non, mais c'est fantastique. Et j'ai un peu du coup regardé sur les réseaux et je spoil, vu que tu l'as fait, je peux le faire aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et ben en fait, Dylan va pas du tout sortir avec Mélanie, il va sortir avec Fiji. Oh le con. Oh là là. Ouais. Il sort avec une île. N'importe quoi, lui. Tiens, je vais baiser une île. Et puis quoi d'autre? Il va l'enculer, peut-être. Pour tout ce qui est le point culture. C'était le point culture de N'hésitez pas. Ah non, si, c'est pas vrai. C'est... Alors là, oh, je m'énerve. Il y a le documentaire Île sur Netflix qui est Enculé une île. qui est incroyable. Pas mal, mais qui dure 2h40. Ça c'est vraiment. Qui est à propos de guérir soi-même. D'accord. Ah. L'auto-guérison. D'accord. Et là, c'est des. Et Fabienne a une belle part dans ce. Fabienne est en coprod, voilà. Et il est. Tu peux envoyer des chèques pendant que tu regardes la série. Il est incroyable. Voilà. Très bien. Bon, bah voilà. Île comme une île ou île comme non. Un pronom. H-E-A-L. Ah, heal. Heal. I'm sorry. Okay. Bon, bah les amis, merci. Rire en anglais. C'est fini. Merci. Bah c'est terminé. Ah non. Bah merci, deux heures vingt. Deux heures vingt. Oh là là. Bah si, 2h20 quand même. Il est 2h20 du mat, faut qu'on rentre chez nous. Non. Dernier petit tour de table sur ce que vous faites en ce moment. Donc Gaël, tu te reposes? Je vais reprendre ma carrière dans une semaine. D'accord, ok. On va refaire des vidéos avec Bat bientôt. Ah, trop bien. Quand il aura fini de sauver le monde, c'est sur l'écologie. Dès qu'il rentre de Colombie avec un maximum de cocaïne. Et on va sûrement faire du live aussi Twitch, Bat et moi. Tu l'annonces. Je l'annonce, ouais. Ah, ouais, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Mais en émission. Ça sera pas du gaming, ça sera en émission. D'accord. De mon côté, je vais faire bientôt du live Twitch aussi avec des copains d'internet. On dira pas les noms. Notamment Adrien Méniel. Ah, waouh, t'as dit les noms du coup. T'es bien. Et voilà, non, il y a des petits trucs qui arrive, mais ça va, voilà, on saura plus tard. Ça va très bien. C'était l'immédiat. Ouais. Parfait. Justine Le Potier, moi je reprends une série que j'ai fait pour TF1. Voilà, rien à voir avec Twitch, mais bon. Ça paye plus. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Mais dans ton cas, énormément. Ça paye beaucoup plus. Voilà. Et bah, dis le titre déjà. Ah ben, le titre est provisoire. Ah, d'accord, donc pardon. Ça va changer. T'as dit je vais reprendre. Mais oui, parce que ça va changer. Comme on change mais de c'est saison. La suite de quelle c'est série? C'est la suite d'une série qui s'appelle Le Tueur du Lac. Voilà. Thriller. Ah ben voilà. Et c'est elle qui tue le lac dedans, donc c'est pour ça. Exactement, ouais. À coup de pioche. et théâtre, ce sera dans longtemps. Oui, je refais un spectacle avec la bonne Balasque. Allez, Josiane Balasque. Jojo la Balasque. Et ça s'appellera. Mais t'as le droit de le dire? Oui, je pense, oui. Ah, peut-être pas. Ouais. On mettra peut-être c'est trop un, petit bip. Voilà. Un petit bip. Un bip bip. Si, voilà. je pense qu'on ouais, okay, voilà. Très bien. Commence les lectures. Voilà. Josiane Balasco qui a sorti un recueil de nouvelles. Je l'ai dit dans l'émission. Ouais. Ouais, j'ai vraiment aucune mémoire. Avec mais j'en ai lu une et qui était très cool. Donc voilà. Et elle a été interviewée chez Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang, que je vous conseille. Très bon podcast sur France Inter où il interview des gens. Et elle est passionnante dedans. Et elle parle d'Evil Dead, entre autres. Et c'est trop bien. Écoute, voilà. Elle adore la science-fiction et les jeux vidéo. Bah elle parle, ouais. Ouais. À un moment, il fait alors vous jouez aux jeux vidéo. Elle fait oui, alors moi je suis pas du tout FPS. Bah, c'est vraiment Jason Balasco qui dit ah oui, non, génial, FPS là. C'est trop rapide pour moi. Elle dit bah, je préfère, oui, effectivement, les jeux un peu de management et tout. Là, j'ai un peu arrêté, j'arrête à minuit. Tu fais ouais, d'accord, ok, d'accord. Audrey. Je peux revenir sur la question précédente. Bien avec sûr. Grand plaisir. Il y a un podcast qui s'appelle Transfer oui. Slate. Ils font plus d'audience Slate. Que nous, va. T'inquiète pas. Et c'est incroyable. Oui. Voilà. Ça serait bien que eux parlent de nous. Voilà. Si eux pouvaient parler un peu de nous. Et bah, on peut aller raconter des trucs là-bas. C'est hein, vrai. Pourquoi pas. Adrien Méniel. Oui. Bah si. Là, ça écrit. On peut le dire. Oui, ça écrit pour des projets qui. C'est très pas. C'est pas fait encore, ouais. Mais ça écrit. C'est sympathique. Voilà, non. Je peux pas en parler. Moi, je sais ne pas quand je n'ai pas le droit de le dire. Ah mais je peux dire que. Non, voilà. J'étais dégoûté parce que vraiment on a tenu 2h20, je vais rien couper et là les 10 dernières minutes. Ah, c'est Justine. D'habitude je bip, mais là heureusement j'ai pas trop bipé dans cette émission. Et à la fin je ferai quelques petits bips comme ça. Audrey Pirolt. Denis a bipé. Non. Attends, t'as fini? Oui, j'ai rien. Non, des petits trucs, bah, je vais à Cannes Série. Voilà. Non, dans, pas grand chose. T'encules des chiens. Non, mais là, voilà. Ça écrit beaucoup. Là, ça écrit beaucoup. Ça écrit, là, ouais. C'est le taf. Ça écrit fond, tous les jours, en vrai. C'est la partie du travail qui n'est pas très réseaux sociaux, racontable, quoi. Ouais, ah, je peux rajouter un truc, moi. Je t'en supplie. On va bientôt sortir une BD avec Bat. Ah, bah voilà. Ah, bah alors. Ah, ça, c'est une info. Ouais, ouais. Ah, maintenant, bah ouais. Ça fait un an et demi. Alors. Ça fait un an et demi qu'on est dessus. Et parce que tout le process d'écriture était assez long. Après le rendu, les dessins, maintenant c'est en train. Bah surtout que vous attaquez à la philosophie chez Proust dans la BD. Exactement. C'est ça. Chez Proust plutôt. Oh. Allez, les pipitoff, tout ça. Et c'est vraiment très cool en fait parce qu'on est en train de recevoir les pages colorisées. Donc là, j'ai pu voir ce que ça fait d'avoir 30 pages d'affilée colorisées de nos vannes. C'est en format bullet bill, c'est sur une page. Il y a des trucs un peu strip aussi sur trois cases. Juste, on fait plusieurs trucs. Nous adultes et nous enfants. D'accord. En mode un petit peu le petit Spirou. Et vraiment, on est trop contents, trop excités. Ça sort chez Lombard, qui est une super boîte de. Une super maison d'édition qui fait les Schtroumpfs, Torgal et compagnie. Et ils sont à donf aussi, alors que c'est vraiment très pipi caca. Et abusé même. Mais je pense que ça va être très chouette. Trop et bien. C'est un des projets qui nous excite le plus en ce moment. Tu as une estimation de date? Non. D'accord. Non, en vrai, c'est soit avant l'été, soit juste après. D'accord. Donc c'est, t'as mais c'est bientôt. T'as voilà, c'est bientôt. Et Audrey Pirolt? Moi, je fais de plus en plus de soins Reiki, mais ça, vous en foutez. mais quand même, voilà, je tiens à le dire. Bien sûr. J'ai fait une série audio qui s'appelle Dernière Terre. Ah, oh, trop bien. Qui est, ouais, c'était incroyable à faire. Et puis, bah, je vais me mettre à écrire sérieusement. Bah, voilà. Je vais m'inspirer de vous. Oh, bah, écoute, pas, arrête. Le fais pas trop, hein. De votre rigueur, j'entends, et de votre courage. Oui. Oh, moi, 2019, techniquement, si tout se passe bien, rien ne sort. C'est vraiment l'année où j'ai absolument rien à montrer aux gens. Mais peut-être, du coup, 2020 sera gourmand. Ah, bah ça. Les podcasts, c'est rien, c'est de la non, merde. Non, c'est pas rien. Nous, on est là pour faire quoi, en fait? C'est pas rien. Tu non, crois non. qu'on perd du temps, là, enculer les chiens. Des chiens. Bon, bah écoutez, les amis, merci beaucoup. On ah non, merci non, c'est pas fini. Si, c'est terminé. Non, bah, je te laisserai seul à la fin. Je écoute. M'endors vraiment. Je vous fais des bisous. Bisous tout le monde. Bisous. Encule un chien. Il s'appelle Stéphane, c'est un mignon petit toutou. Il est malicieux et un peu foufou. C'est Stéphane. C'est un mignon petit toutou. Il est très malin, parfois un peu coquin. Il aime son papa et il mange son caca. C'est Stéphane, ouais. C'est un mignon petit toutou. Il adore jouer, mais ce qu'il préfère c'est péter. Il aime bien manger et tout vomir après. C'est Stéphane. C'est un mignon petit toutou. Il aime bien les chats, mais n'aime pas trop la douche. Il préfère... Non, Stéphane, je chante là. Oui, bon, ça va. Non, chut. Stéphane. Putain. Stéphane. Mais t'es... Putain, Stéphane.